C'est super bien ça, The Parakeet sur Virgin Radio. C'est un nom de produit anti-poux, mais c'est assez cool, on aime beaucoup. Vous l'entendez en premier chez nous sur Virgin. Virgin Radio. Your radio. Dans un instant, Camille Combal arrive, on inaugure le tout nouveau studio du Virgin Tonic, puis on paye votre loyer, ça change pas. Vous inscrivez loyer votre numéro de téléphone au 7 12 13, et on vous rappelle dans une vingtaine de minutes. Je vous souhaite bonne chance et Camille arrive juste après l'actu sur Virgin. Et les infos partout en France, c'est avec Tristan Sarah. Salut Tristan. Salut Robin, bonjour à tous. Un temps mitigé aujourd'hui avec des averses attendues de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est via la région Centre-Val de Loire. Des nuages au nord, du soleil au sud. 22 degrés en moyenne cet après-midi, de la pluie et des orages pour demain et de belles éclaircies pour dimanche. La tempête tropicale Matthew s'est renforcée dans les Caraïbes. Elle a été hissée au rang de ouragan au niveau 1 sur une échelle de 5. Après avoir touché la Martinique, Matthew met le cap actuellement vers Haïti, la République Dominicaine et les îles sous le vent. Le Venezuela et la Colombie sont aussi invités à suivre l'évolution de la perturbation. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont arrivés hier soir à Tel Aviv. Ils ont voyagé ensemble côte à côte dans le Falcon présidentiel. L'avion s'est posé vers 23h30 à l'aéroport Ben Gurion. Puis le cortège a filé à vive allure jusqu'à Jérusalem. Le président français et son prédécesseur vont assister aux obsèques de Shimon Peres au cimetière du Mont Herzl, aux côtés d'une centaine de dirigeants du monde entier. La police israélienne est sur les dents. Pas moins de 8000 agents sont mobilisés. Aux États-Unis, défaillance technique ou erreur humaine, toutes les pistes sont envisagées après l'accident de train survenu hier après-midi dans une gare très fréquentée du New Jersey. Le train est entré en gare sans ralentir à environ 50 km/h. Il a sauté les butoirs en bout de voie avant de s'écraser contre un mur. Une partie du plafond s'est effondrée. Le bilan est ce matin d'un mort et de 114 blessés. Le gros bakchiche des super flics à la une du Parisien ce matin. Le quotidien révèle que les policiers chargés de la sécurité des VIPs étrangers reçoivent d'importants pourboires, environ 400 euros par mois. Un secret bien gardé jusque-là, mais totalement hors la loi, d'autant que cet argent n'est pas déclaré. Le patron de la police promet la fermeté. J-1 pour le mondial de l'automobile, porte de Versailles à Paris. Le plus grand salon auto du monde est accessible depuis hier aux professionnels et aux journalistes accrédités. Ils ont pu y découvrir les tendances du marché, les crossovers et les voitures électriques. Côté français, Renault a frappé fort en annonçant que la Zoé serait désormais dotée d'une autonomie d'environ 300 km en conditions réelles. En foot, match nul de Saint-Etienne, un but partout face à Anderlecht hier dans la deuxième journée de Ligue Europa. Nice a sombré 5-2 en Russie contre Krasnodar. Aujourd'hui, place à la huitième journée de Ligue 1 avec Rennes-Guingamp ce soir 20h45. Nice, le leader, recevra Lorient dimanche après-midi. Et puis de la Formule 1 ce week-end, le Grand Prix de Malaisie, départ de la course dimanche à 9h. C'est Nico Rosberg qui est en tête du championnat. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil. Ladies and gentlemen, for the first time in a brand new studio, please welcome Laure, Pauline, Ginger, Clement, Nico from the office, and Camille Combal for the Virgin Tonic. Bonjour à tous, je suis Sébastien de Nîmes et je suis très content d'être avec vous pour cette nouvelle émission dans le tout nouveau studio du Virgin Tonic. Alors je déclare l'émission du 30 septembre ouverte. Bonjour la France ! Bonjour ! Oh là là, qu'est-ce qu'on est heureux ! Comment tu vas Sébastien ? Ben, ça va super bien quand je suis avec vous. Je suis très heureux de t'entendre. Tu seras officiellement désormais, ça y est, tu rentres dans l'histoire du Virgin Tonic puisque tu seras le premier auditeur à avoir pris la parole dans notre nouveau studio. J'en suis très fier, je te jure. On a un tout nouveau studio, vous allez découvrir les images ce matin. On va mettre voilà plein de photos, plein de vidéos et tout. On est comme des dingues. Ouais. La sonorité est pas mal. Hein. Incroyable. 1, 2, 3. Ah ouais, pas mal. Wow. C'est l'or qui n'est pas synchro sur moi. Mais si, j'en ai juste fait un de plus. Sur pardon. Les claps. T'en fais toujours de trop. Oh oui. Les amis, on est très heureux de vous retrouver. Vous qui ouvrez les yeux peut-être tout juste à l'instant. Vous qui avez bossé cette nuit. Qui êtes peut-être boulanger, pâtissier, veilleur de nuit, agent d'entretien. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus ici. 6h, 9h comme tous les matins. Le Virgin Tonic est en direct. Et alors, dans un nouveau studio. Ouais. On va faire plein de trucs. Ouais, c'est clair. Oh, je suis comme un dingue. C'est comme un nouvel appart, quoi. Ouais, c'est ça. Il est très grand. J'attendais mon petit Robin qui est là avec nous, bien sûr, qui fait le 5h, 6h. Il disait, c'est plus grand que chez moi. C'est clair. Je vous jure. Alors, on est dans une autre ville, il faut expliquer. Hein. C'est un peu plus près parce que t'es avec nous, Seb. Hein. Oui. En fait, avec la télé et tout, on a dû rapprocher un petit peu les studios. Donc, on est dans une autre ville. On est dans un autre bâtiment, forcément, parce que c'est le même bâtiment dans une autre ville, c'est compliqué. Et c'est tout nouveau, et il est complètement dingue. Il est très très grand, hein, que Clément est là. Et j'ai entendu des phrases de ministre ou de président de la République, puisque la première phrase que tout le monde sentait, c'était « c'est beau, mais c'est loin ». Surtout, le plus drôle, ça va être d'imaginer Laure animée ici, parce que la table, elle est extrêmement haute. Je galère. On va vous montrer toutes les photos, on va parler que de ça ce matin, on est comme des dingues. Il est magnifique, ouais, il est magnifique. Beau. Mais alors, les tables, elles sont, pour vous donner une idée, j'ai du mal à voir au niveau de la table. Ça, mais alors, ouais. Laure, les amis, c'est une enfant de 4 ans, quoi. Oui, il y a Nico du bureau qui est là aussi. Oui, je suis là aussi. Et effectivement, on a du mal à se rendre compte parce que vous saviez pas qu'on était très proches dans l'ancien studio. Et là, on est quand même tous très éloignés, en fait. Ah oui, c'est drôle. C'est les raisons d'hygiène. C'est la raison numéro 1 pour laquelle on a souhaité changer de studio. C'est bizarre, toi, t'as beaucoup de place. T'as carrément un studio à toi tout seul. On est tous à ça part. C'est grand. Hein. Ouais. Mais en revanche, va te changer. L'émission va commencer. Ah, on va faire des vidéos et tout. C'est vrai. Il est en quatrième, quoi. C'est un rentré de quatrième. Oh, c'est bien cette petite chemise. Mais t'es en ado là aujourd'hui. Ah bon, il est bien. Oh, il est en look d'ado, bah arrêtez. Ouais. Bon, il a une petite chemise bûcheron, c'est à la mode. Moi, je trouve ça super. Allez, tété monde, hashtag Nico est dégueulasse. Le look, il est dur. Y a Laure qui est là, bien sûr, oui, aussi. Bonjour, je t'aperçois sous la table. Oui, pardon, c'est mes mains que tu vois. Ah, ok, super. Oui, alors, en fait, vous m'avez charrié pendant un an avec ma bouilloire. Je voulais vous dire que je vous ai ramené ma machine à café. Ah. Et je l'ai mise au service de l'équipe. Et c'est quand même à souligner, quoi. Non, oui, j'ai ramené ma machine à café. L'espresso. Oh là là là. Nouveau studio, nouvelle Laure. Ah ouais, non, mais là, nouvelle c'est... Nouvelle vie. Nouvelle vie, mais tout simplement. Non, mais quoi, t'en as une autre gratuite ou... Pas du tout. Ah non, mais alors vraiment pas du tout en plus. Ah bon? Ouais, je te promets, je te l'ai piqué au cabinet de mon mec. J'ai piqué au cabinet de mon mec, tout va bien. Le café à 1,20€, enfin, je vois pas où est le problème. J'ai mis un petit monnayeur, c'est pas non plus. Ça me fait pas plaisir non plus de vous aider. Quoi. Prix, quoi. Clément est là, je l'ai dit aussi. Évidemment, je suis très content, moi, de ce sujet. On dirait une grande maison et c'est vrai qu'on est tellement loin qu'on a chacun une pièce. Et toi, t'as le salon. T'as le séjour. Et le standard, c'est un peu les toilettes. T'arrives, c'est vraiment dans le coin, là. Le standard va vous montrer les images. J'ai l'impression que ces deux gars, ils sont en train de gérer un manège. On a l'impression, il y a deux gars, ils sont en train de. Il y en a un. Ouais, non, il y a le light jockey. Et le skis jockey. Ils sont magnifiques. Je vais devoir entendre un truc. En fait, Clément Lacruz et Nico, vous avez inversé vos fringues ce matin. Ouais, mais je suis venu les gants. Mais ils ont inversé de place aussi. Moi, je suis déstabilisée du coup. C'est très, très, très bizarre. Il y a Pauline, bien sûr, qui est mais là aussi. Ça va, Pauline? Ça va, mais je suis toujours aussi loin de toi, en fait. Moi, ça n'a rien changé. Ça, c'était ma volonté. Ça, c'était vraiment le point positif du studio d'avant. Okay. Et qui sera dorénavant notre nouveau studio. Pauline, est-ce qu'il y a un nouveau numéro pour vous joindre? Non, totalement le même. C'est-à-dire? Le 3916. Ça reste le même numéro. Mais ça reste le même numéro. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas tout changer non plus. Sébastien, t'es un fidèle de l'émission, Sébastien? Bien sûr, je l'écoute tous les jours, Camille. T'es un amour, mon poteau. Et ben, sachez, ça sera quand même, je précise, c'est important, la même émission. Hein. Mmh. Oui. Les mêmes blagues nulles de Clément. Évidemment. Les mêmes moments tristes de Nico. Tout va bien, hein. 39-16 pour nous joindre. Les réseaux sociaux, il y a Ginger qui vous attend, oui. On lit tous vos messages. Bah, juste un nouveau studio dans lequel on ne voit pas l'or. C'est tout, il n'y a que ça qui change. Hein. Oui, Nico. Il faut expliquer, en fait, c'est comme dans le 20h de Gilles Boulot, on ne voit pas le bas, en fait, quand on se regarde. En fait, c'est le principe d'une table. Ouais. Hein. Mais tu ne vois pas le bas de Pauline aussi, parce que, genre, bah, merci d'expliquer aux gens ce qu'est une table. Hein, mais, ce qui est fou, c'est une table où on peut mettre les mains dessus. En fait, c'est. Non, est-ce que tu te fiches de ma chemise bûcheron, mais tu regardes le bas de Pauline, elle est en flash dance total. Alors, attention, est-ce qu'on peut me faire un petit défilé de Pauline du Standard? Bien sûr, je rappelle, hein, toutes les images, on va les mettre. Je vois pas. Ah bah dis donc. Genre, même là, t'es pas assez loin. T'es là. Le point mode. C'est énorme parce que dans l'autre studio, t'aurais mis faites le tour des bronzés. Et là, on a de la musique design. Mais c'est hyper à la mode. C'est incroyable. Là, alors attendez, on oublie même les photos du nouveau studio. Priorité, le fut de Pauline. J'ai douté ce matin. Sébastien, t'es en couple ou pas? Oui. Écoute, bah alors ne va pas voir les images, tu n'aimeras plus les femmes. Oh, non, mais elle est belle comme tout, Pauline. Je le dis tous les matins, elle est magnifique. Mais là, elle a mis un pantalon et elle va, c'est pas en sa faveur. Oui, Laure. Nous, on fait le Virgin Tonic, elle fait le Gym Tonic. Non, mais exactement. J'ai jamais vu ça, Clément. Il y a plein d'humoristes qui se demandaient si on peut rire de tout. Là, on vient de se rendre compte que non. Vous êtes horrible. Il est magnifique, c'est hyper à la mode. C'est un taille haute brillant. En quelle année c'était à la mode? C'est un taille haute brillant. En 80. On inaugure un studio. Comment t'as pu t'habiller pareil? Parce que je voulais être un peu dans les années 80. Je voulais être vintage pour ce nouveau studio qui est hyper neuf, mais ça n'a rien. Même les danseuses de Claude François, les Claudettes, elles voient ça, je suis sûr, elles diraient ça. Ça rentre pas, t'abuses. T'abuses. Même nous sur Magnolia, elles ne nous auraient pas porté ça. C'est interdit. Non, mais je te jure que j'ai plein de copines qui le portent. Enfin, qui portent le même, mais dans une autre couleur peut-être. Oh, moins mais brillant. Horreur. Oui, Laure. Non, mais même Véronique et Davina se sont choquées. Alors, Véronique et Davina, alors là, pour les plus jeunes qui nous écoutent. On a la musique. Véronique et Davina. Il n'y a pas de comparaison. Aujourd'hui, là, c'était deux jeunes femmes qui faisaient de la gym à la télé. Je trouve que cette musique va bien à popo aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, Clément. Si, on peut les comparer. À 118 ouais. Peut-être. C'est vrai. Mon petit Sébastien, on fait que parler. Tu viens d'où, toi, mon bichon? Je suis de Nîmes. De Nîmes, très bien. Est-ce que tu sais qu'on a des cadeaux magnifiques à vous offrir ce matin? Ouais, vous en ouvrez tous les jours. Oh, t'es un amour, mon pote. Bon, déjà, il va te falloir te mettre un téléphone de côté. J'ai l'impression. Aujourd'hui, les amis, on va vous offrir des iPhone 7. On en a plein offert. Grâce au pack Brossard, vous gagnez l'iPhone 7, des brownies à volonté et un concert privé à Paris. La Big Brownie Party avec, comme artiste, alors David Brownie. Évidemment. On a ce matin un séjour à La Réunion d'une valeur de 7000 euros à vous offrir. C'est hallucinant. On est très heureux de vous faire ce cadeau. À 6h20, on a déjà un premier loyer à vous offrir. Loyer au 7 12 13 par SMS. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis attention, ce matin, j'ai dit les packs Brossard. Oui. On en a plein à offrir. On n'a pas un, on n'a pas deux. On a combien? On en a plein. On n'a pas trois. On a combien? Bah quatre, je pense. Les amis, faites le tour de toutes les radios. Vous couvrez les yeux là à 6h08. Trouvez une radio qui ce matin vous envoie à La Réunion valeur 7000 euros, qui va vous payer un loyer toutes les heures et qui en plus va vous offrir, rien que de le dire, c'est fou. Bah oui. 4 iPhone 7 ce matin. 4 iPhone 7 à gagner. Et puis c'est pas tout. Ce soir, énorme euro million. On va remplir une grille tous ensemble. Ouais. Une partage tout. Ouais. Et on mettra un peu de côté pour acheter un pantalon à Pauline. Mais tout le reste, on le partage, les amis. Grille d'euros millions ce matin, comptez sur nous. Et mon petit Sébastien, je te fais plein de bisous, mon pote. Moi aussi, je vous embrasse. Ne changez rien. Changez juste le studio ou le pantalon de Pauline. Et vous, ne changez rien. Ah, mais je te rassure, on va faire que ça. Mais vraiment, on est très contents. On va faire une spéciale ce matin dans ce nouveau studio. Les amis, on est heureux en tout cas de vous retrouver comme chaque matin. 6h, 9h en direct sur Virgin Radio. C'est parti. On écoute Martin Garrix. Yeah, in Martin the name of love. Ouais. C'est nouveau ça, hein? Ouais. Ouais. Tous les jours, il y a un truc nouveau. Hein. Ça s'appelle comment? In the name of love. Fais écouter un peu. Tiens, c'est frais, tu vas voir. Il est très fort. Dites-nous si vous aimez, on en profite vu que c'est l'inauguration, le patron de Virgin Radio est avec nous toute l'émission. Oui. Ouais. On apprécie, notre Fredo est là, donc si vous aimez pas des morceaux, vous le dites, on les enlève. Ça l'arrange pas, je pense. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est bien. Mal. On écoute ça les amis, allez, c'est le pop rock électro que vous aimez. Excellent réveil à tous. Virgin Tonic, Virgin Tonic. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love, name of love. In the name of love, name of love. In the name of j'adore ça, Martin Garrix sur Virgin Radio. Excellent réveil à vous tous, merci d'être avec nous. Ça fait peut-être déjà plusieurs fois que votre réveil sonne, faites semblant de ne pas l'entendre. Oui. À un moment donné, il faudra l'entendre. Oui. Les amis, il va falloir aller bosser, c'est vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre, j'espère que tout va bien. Le Virgin Tonic avec toute l'équipe, bien sûr. Oui. 6h, 9h dans notre nouveau studio. Ouais. J'ai une question, première question importante pour vous dans ce nouveau studio. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans les toilettes? D'ici ou en général? Non, quand vous restez en toilette, comment vous occupez votre temps en toilette? Clément, très bonne technique, apprendre les capitales. Moi j'ai un plan des capitales européennes. Et du coup, je l'ai depuis des années. C'est pas une blague, c'est vrai. Je suis un collab du coup maintenant. Helsinki. La Finlande. T'es un collab pour répéter les capitales en fait. Non, la Finlande. Il a raison. Tu fais quoi, toi, ma petite Laure? Moi, je galère pour trouver du Wi-Fi parce que dans mes toilettes, il n'y a pas de Wi-Fi. Il faut que je trouve une solution parce que c'est le meilleur endroit quand même pour aller sur Internet. Tu n'y penses jamais en posant le Wi-Fi aux toilettes. On n'y pense jamais. Ah. Oui, ma popo standard. Je trouve ça dégoûtant d'y aller avec son portable. On ne va pas aux toilettes avec son portable. C'est sale. Pourquoi on y va avec l'ordi de salon? Non. Déjà, moi, je ne vais pas aux toilettes. Des jeux de société. Mais si j'y allais, je lirais l'étiquette des odorisants. Parce qu'en fait, c'est hyper choquant ce qu'il y a dedans. Alors là, ça, faut faire attention. C'est vraiment et c'est mauvais pour la planète. Et oui, alors mettez des pots pourris. Exactement. Des pots pourris. Alors les amis, les pots pourris, c'est le truc, c'est un pot dans lequel on met plein de trucs et tout ça, machin. C'est ça. Bon. Oui, des fleurs séchées. Et ça sent bon tout ça. Merci. Les amis, aucun de cette équipe ne correspond à 40% des Français. Puisque je l'ai appris ce matin, 40% des Français avouent lire leur mail aux toilettes. Ouais, mais c'est avec le téléphone, c'est un peu l'or. Bah oui, moi quand j'arrive à trouver du wifi, je lis mes mails par contre. Ah bon? Oui, mais c'est compliqué. Ils lisent Nico du bureau, tu fais quoi? Tu lis nos mails quand Ah pas du tout. Non, moi en fait j'ai un rouleau de papier toilette que j'avais acheté dans une gadgeterie où il y a un sudoku dessus. Ouais. Donc tu pars avec un stylo? Non, mais je le fais pas vraiment, mais par contre j'essaie de savoir quel chiffre va à quel endroit. Oh là là. Je le fais pas, j'écris pas sur le papier toilette évidemment. Donc, Radio Tristesse. Même aux toilettes, il est chiant. Vous avez vu ça? Donc même aux toilettes, il arrive à faire des sudoku et tout. Oui, Pauline, la Claudette. Oui. Pauline, au standard. Non, mais je vais vous saouler avec mon livre, là, Le charme discret de l'intestin. C'est fait, voilà. Merci. Ravel. Les meilleures anecdotes reloues de Pauline, rappelez-vous, c'est hors antenne, bien sûr. On les filme et vous les retrouvez sur les réseaux. Pour vraiment ceux qui ont trop la pêche ce matin, qui ont envie de redescendre un peu, n'hésitez pas. Toutes les anecdotes de Pauline, restez avec nous sur Virgin Radio. Tout de suite, on écoute LP et un premier loyer déjà à gagner à 6h20. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Surrender years ago, and will you know? limitations. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, 'cause it's going down. Tous les amis, bienvenue dans le Virgin Tonic, nouveau studio ce matin. Ouais, on est ouais. avec vous, on est très heureux de vous retrouver en direct une nouvelle fois, 6h-9h. Bon, il n'y a qu'une chose, c'est que toute la technique a laissé le film plastique sur les écrans tactiles. J'adore l'enlever. Je fais qu'à ça, lui. Va falloir qu'on parle. Va falloir qu'on parle, qu'on peut enlever ces films plastiques. Les amis, on est tellement heureux d'être là. Je vous souhaite un très bon réveil, un loyer à gagner dans 2 minutes à peine. Et c'est Mike Perry qui arrive, le frère de Katy Perry, The Ocean. On va se régaler. Ne bougez pas, c'est là que ça se passe tous les matins. Loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Un temps très instable aujourd'hui à travers tout le pays, du soleil sur le Pays Basque et la Provence, mais des nuages et des averses quasiment partout ailleurs au fil de la journée. Vous aurez 16 degrés cet après-midi à Brest et à Cherbourg, 17 à Deauville, 18 à Lille et à Compiègne, 19 à Rennes et à Nantes, 20 degrés pour Paris, Tours et Limoges, 21 à Strasbourg, 22 à Chambéry, 23 à Bordeaux, Marseille et Nice, 24 degrés à Lyon, 25 à Castres, Perpignan et Ajaccio, la maximale 27 pour Toulouse. La pluie sera omniprésente demain sur le pays. Une légère amélioration pour dimanche. Bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Justin au 88 000. Justin Timberlake, encore un hit. Envoyez Justin, J-U-S-T-I-N au 88 000. Accédez au catalogue et téléchargez Can't Stop the Feeling en sonnerie. Justin au 88 000. Le tube de l'été sur votre mobile. Abonnement 3€ par semaine DGP. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Coombs, DJ Snake, LP, Calvin Harris, The Avener, Charlie Puth, Julien Peretta, Jonas Blue, Virgin Tonic, c'est la compilation. Vous rêvez d'un enfant, la chair de votre chair, votre petit bébé, envoyez Famille au 71 777 et nos experts vous diront si vous allez bientôt devenir maman. Famille, FAMIIIIE au 71 777, ça arrivera peut-être plus tôt que vous ne croyez. Envoyez Famille au 71 777. 65 centimes plus prix d'un SMS Telco Pass. Tous les dimanches, 20h minuit, préparez-vous pour la reprise avec le Lab Virgin Radio. Faites le plein de live avec vos artistes Virgin Radio préférés, de découvertes et d'interviews exclusives. Cette semaine, Kungs. Et Feder sont les invités de Lionel dans le Lab Virgin Radio. Salut, c'est Feder dans le Lab Virgin Radio avec Lionel. Are you ready? Les meilleurs artistes rock, electro sont dans le Lab sur Virgin Radio. Votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue à vous tous les amis. Vendredi, c'est jamais simple. Courage à vous qui ouvrez les yeux après cette semaine dans les jambes. Je sais qu'il vous faut du courage. On est là pour vous en donner chaque matin, 6h, 9h, avec le Clément Lincru. Salut tout le monde. Il a mis sa plus belle chemise ce matin. Eh oui. Avec Laure. Salut, qu'on te voit à peine. On voit à peine sous la table. Avec Pauline qui a mis son pire pantalon ce matin. Pour l'inauguration, on va vous l'offrir hein, sur les réseaux ce pantalon. Oh non. Non mais t'auras le temps de l'enlever chez toi. Ouais, parce que on vous l'offrira lundi, je veux dire. Okay. On va pas te faire finir comme ça oui. En dessous de cette émission. Pas du tout, ma Pauline. Mais on te rendrait peut-être service. Oui, Popo. C'est un 36-38. Voilà. Ça veut dire 40. Vous connaissez les femmes. Quand elles vous disent, quand elles vous donnent le nombre d'ex qu'elles ont eu dans la vie, vous en rajoutez 5. Et vous pouvez rajouter toujours une petite taille de pantalon, mais c'est normal. Oui, ma petite. 5, t'es vachement sympa. Hein. Comment? Tu peux doubler, moi, je dirais. Tu as combien d'ex dans ta vie? 3. Ça fait 6, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Ouais. Toi, c'est nul parce que rajouter 5, ça fait encore plus. Mais parce que moi, je suis une maline. Bah, bien sûr, Clément. Elle en a eu 38-40 apparemment. Les ex. Les amis, attention, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait tous les matins à 6h20? On paye le loyer. Parce qu'on a la chance d'avoir ce nouveau studio ce matin. Vous croyez qu'on va pas continuer de vous le payer? Bah, non. Et déjà, je l'ai beaucoup dit, on vous a en face de nous, les amis. Sachez qu'on a un mur avec toutes les photos de ceux qui ont bien voulu jouer le jeu, qui ont bien envoyé leurs images sur Facebook. Et donc, vous êtes avec nous, on a tous vos sourires tous les matins. Voilà, vous êtes avec nous dans ce studio et on va continuer de vous payer votre loyer. 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Il suffit de vous inscrire par Asmus loyer au 7-12-13. D'accord ? Ouais. Vous laissez votre numéro de téléphone, je vous rappelle, je vous demande quelle est la seule radio qui paye votre loyer. Allô ? Si vous répondez bien, c'est gagné pour vous. Allô, qui est là ? C'est Laetitia. Bonjour Laetitia, comment tu vas ? Je vais super bien et toi ? Je te réveille peut-être. Je suis dans mon lit, ouais. Ça s'entend, ma belle, et c'est normal à 6h23. Dis-moi tout, quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? C'est Virgin Radio. Excusez-moi. Premier loyer offert dans notre nouveau studio. C'est une ambiance de nouveau studio, bah non, ça ouais. C'est gagné. Ah ben le studio est plus grand, faut créer plus fort. C'est vrai, non, là c'est le zénith. Hein. Ah ouais, c'est clair. Maléti, je suis ravi. T'as un loyer de combien ? 1249 euros. Ah non. Ouais. Ouais. Ouais. Bon, on l'inaugure bien. Tu viens d'où, ma belle ? D'un petit village à côté de Brie-Comte-Robert, à Soignol-en-Brie. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis employée de banque. D'accord. Quelle banque là ? Tu veux faire un peu de pub ? Non. D'accord, ça se passe bien. Lucas, ça a l'air de bien se passer pour toi. Ma chérie, on est ravis. On va te faire ce chèque. En tout cas, on est très contents. Chèque de 1249 euros. Hier jeudi, on a déjà offert pour 2863 euros. Je sens que ce matin, on va faire péter la timbale. Je vous le dis, j'ai du pif, les amis. Maléti, je t'embrasse fort, ma belle. Ciao. Et embrasse tout le monde au Crédit Agricole. Salut, bisous. Ouais, c'est ça. Apparemment, j'ai tapé juste dans une heure, nouveau loyer. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Encore un très, très bon réveil à vous, le Virgin Tonic. On est là pour vous donner le sourire tous les matins entre 6h et 9h. C'est parti. Virgin. You can be my guiding light. Keep me company in the night. It's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe, I let you in. Keep me warm. réveil à vous tous les amis. Merci d'être avec nous si nombreux chaque matin dans le Virgin Tonic. Je sais que vous êtes très nombreux à avoir changé vos habitudes pour rejoindre Virgin Radio chaque matin. C'est pas simple, on vous remercie beaucoup. On a même un nouveau studio depuis ce matin. Ouais. On est en train de l'inaugurer. Pour vous donner une idée, notre studio entier, ça fait la taille du là où on a la machine à café maintenant. Il est immense, voilà, on est comme des dingues. Alors on l'inaugure là en direct avec vous ce matin. Mais on fera une vraie belle pendaison de crémaillère avec vous tous. Cool. Avec un immense artiste qui sera là, qui prendra le nom de ce studio. Parce qu'on va quitter le studio Indochine, là où on était. Et on va de pareil, voilà, trouver un nom un peu plus kiffant qu'Indochine. Ça deviendra le studio de cet artiste. On est comme des dingues, les amis. Vraiment, Pauline au standard. On sait combien de mètres carrés il fait, parce que moi, c'est 28. Oh, bah, excuse-nous, Stéphane Panza. On est sur du 44, je pense. Ouais, sur du Loi Carrez, là. Ouais, parce que c'est plus grand que chez moi. Ça, c'est sûr et certain. C'est très, très grand, vraiment. Et on a toutes les images qu'on est en train de vous mettre sur les Facebook, les Twitter, si vous avez la chance d'aller voir. Robin, notre réalisateur. On est sur du 55 mètres carrés. C'est pas dégueu. On est sur du 55 mètres carrés. En plus, c'est un quartier commerçant. Hein. Franchement, c'est très prisé. Il n'y a pas de vis-à-vis. Il n'y a pas de fenêtre. Regardez ça, si c'est beau. Pas de vis-à-vis. Bah ouais, mais il n'y a surtout pas de fenêtre sur l'agent immobilier. Oh, et toujours le point négatif, c'est super. C'est très pratique. La cuisine fait salle de bain. Enfin, bon, la kitchenette. La kitchenette. De quoi vous plaignez? Ah oui, Pauline au standard. Mais c'est très lumineux. C'est lumineux parce qu'il y a des beaux spots. Ah ouais, c'est sympa. On se voit. C'est très joli. Et puis, alors vraiment, on met les images, mais il y a peu de chances qu'on sache pas qu'on n'est pas sur Virgin Radio. Ouais, c'est ça. J'ai vu autant de logos en si peu de place. Oui, Clément. On peut parler d'un standard à l'américaine. C'est comme une cuisine américaine, mais en forme de standard. C'est ouvert sur le reste du monde. C'est génial. C'est vrai qu'on a, on a les standardistes qui vous accueillent chaque matin au 3916 qui sont là derrière une vitre. Je vais prendre un Royal Cheese, moi, avec des petites frites et gros coca. On dirait qu'il faut atterrir des avions avec leurs petits casques comme ça. Si ça bouge un peu au-dessus de Roissy ce matin, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de monde au standard de Virgin. J'imagine la galère. Ouais, Alpha Bravo, autorisation intérieure, piste 4. Ouais, Adrien, tu m'appelles pour l'iPhone? Ouais, tu bouges surtout pas. J'ai un Boeing Lufthansa là, que je fais atterrir, je vais vers toi pour l'iPhone. C'est n'importe quoi. Oui, Pauline. Mais ça fait vachement cabine de DJ aussi. Mais c'est ce qu'on disait, mais surtout avec, comme quand on est en province avec le light jockey et le DJ. Ce qui fait bien par Nico du bureau, je t'ai longtemps tenu une disco mobile. Oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Je savais pas. C'était quoi ton nom de DJ? DJ Nico. Oh, en toute humilité, quoi. Bah, DJ Nico, non, à l'époque, tu vois, on passe de 3 à 10, c'était des vinyles, tu vois, voilà, on était dans un truc. Les amis, vous savez ce qu'on fait? Il est 6h30, on fait un point sur l'actu avec tous nos journalistes. Parce qu'on a changé de studio, mais eux, ils sont restés aussi dans le leur. Ils sont plus de 60 tous les matins à se réveiller près de vous. Vraiment, juste une petite pause pour l'actu. Et on revient tout de suite après là avec le son des 21 Pilots avec des cadeaux magnifiques à vous offrir. 4 iPhone 7 ce matin à vous offrir, les amis. Restez avec nous, c'est là que ça se passe tous les jours, le Virgin Tonic, 6h-9h. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, profitez du ciel bleu aujourd'hui si vous en avez un peu entre deux nuages car ça ne va pas durer, la pluie va se renforcer au fil de la journée pour envahir tout le pays ce samedi. Retour des éclaircies dimanche, prévoyez 22 degrés en moyenne pour cet après-midi. De la pluie et du vent, c'est ce qui menace les îles sous le vent aujourd'hui dans les Caraïbes. La tempête tropicale Matthew s'est hissée en rang de ouragan de niveau 1 sur 5 hier en quittant la Martinique. Elle file à présent vers Haïti et la République Dominicaine. Une centaine de dirigeants du monde entier se réunissent à Jérusalem. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont déjà sur place. Israël va dire adieu aujourd'hui à Shimon Peres, l'un de ses pères fondateurs, décédé mercredi à 93 ans. Le lauréat du prix Nobel de la paix 94 va être inhumé dans le cimetière du mont Herzl. La Jérusalem est placée sous protection maximale avec 8000 policiers déployés, le temps que ses obsèques coïncident avec le début des congés des grandes fêtes juives. Un mort et 114 blessés, dernier bilan de l'accident de train survenu hier après-midi en plein heure de pointe dans une gare du New Jersey près de New York. Le train n'a pas ralenti, il a sauté les butoirs de fin de voie avant de traverser un hall et de s'encastrer dans un mur. Une partie du plafond en verrière s'est ensuite effondrée. Les enquêteurs devraient rester une dizaine de jours sur place. Le conducteur blessé collabore à l'enquête. L'ouverture du mondial de l'auto demain à Paris, porte de Versailles. Les SUV, appelés aussi crossovers, sont l'une des tendances du salon, mais pas seulement. Les voitures électriques ont décidé de frapper un grand coup cette année avec une autonomie nettement améliorée. 300 km en conditions réelles pour la Renault Zoé, par exemple. Chez Mercedes, on estime que l'autonomie de 500 km sera la norme à l'horizon 2020. Le mondial de l'auto jusqu'au 16 octobre, le site mondial-automobile.com. Rosetta est en route pour se cracher sur la comète Chury, la fin d'une odyssée spatiale de plus de 12 ans pour tenter de percer les mystères de la formation du système solaire. Impact aujourd'hui autour de 13h. Lady Gaga sera la star du prochain Super Bowl. La diva de la pop assurera le concert de la mi-temps lors de la finale du championnat de foot américain le 5 février prochain à Houston. Elle succédera ainsi à Coldplay qui avait fait le show l'an dernier aux côtés de Bruno Mars et de Beyoncé et devant 112 millions de téléspectateurs. À propos de foot, c'est le coup d'envoi ce soir de la 8e journée de Ligue 1. Rennes-Guingamp 20h45, Nice-Lorient dimanche à 17h et Lyon-Saint-Etienne dimanche soir en match de clôture. Voilà pour l'actu. Tout de suite, vous retrouvez Virgin Tonic avec Camille Combal en direct de son nouveau studio. Très bon réveil. Un grand bonjour à vous tous, j'espère que tout va bien. 6h33, on est en direct avec vous, comme chaque matin, bien sûr, dans le Virgin Tonic pour vous accompagner. Vendredi, c'est jamais simple, les amis. Le 30 septembre, on est là pour vous, avec toute l'équipe, bien sûr. Oui, oui. Courage à ceux qui sont tout juste en train de peut-être sortir de la douche, de se brosser les dents. Vous n'avez plus de dentifrice, vous piquez celui, reine des neiges de votre fille. Personne ne saura, rassurez-vous. Dans un instant, c'est le retour du jeu Zappé comme jamais. Vous êtes des pros de télé, n'hésitez pas à vous inscrire, ça vous permettra de repartir avec un très beau cadeau. Je l'ai là. Ah bah tiens, déjà l'iPhone 7. Déjà. Grâce à Brossard, le pack Brossard, c'est Brownie illimité, iPhone 7 plus un séjour tout frais payé à Paris. Vous imaginez, c'est cadeau dingue. Et ce cadeau là, on vous l'offre là, déjà tout de suite avant 7h. On en a 4 ce matin à vous offrir, les amis. Profitez-en. 39 16, inscrivez-vous. C'est Pauline du Standard qui vous répond. Oui, allô, bonjour, c'est Pauline. Tu appelles pourquoi? Tout en magnolia ce matin. On a du Claude François ou pas? Je voudrais que chaque fois que Pauline parle, ce soit sur du Claude François. Si vous n'êtes pas encore allé sur les réseaux, allez voir le pantalon de Pauline. On vous l'offrira ce matin. Oh. On a mis la pluguée. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. Et les amis, tiens, j'ai une info qui est incroyable. Vas-y. Et c'est une mauvaise nouvelle. Pour beaucoup d'entre nous, voilà, elle vient juste de tomber. La justice a tranché. Ouais. Ok. C'est ce matin, hein, là, c'est arrivé là tout juste. Concernant le sourire sur le passeport, parce qu'il y a plein de gens qui ont demandé à ce qu'on puisse enfin sourire sur notre photo de passeport. Bah oui. Puisque c'est vrai que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, sur le passeport, on a tous l'air d'être recherchés par Interpol. Ouais, totalement. Ouais. On a tous l'air de malfrats. Eh bien, sachez que la justice a tranché, Clément. Non, mais moi, je souris tout le temps dans la vie. Et si toutefois je souris pas, on me reconnaît pas sur ma photo. Donc j'espère qu'ils ont laissé le sourire. Et non, c'était interdit. Ils n'ont pas laissé. Non, non, mais qu'ils ont laissé l'autorisation de sourire. C'était interdit. Eh bien, sachez que c'est toujours interdit. Ah non. C'est un haut fonctionnaire qui avait saisi le tribunal administratif parce que son dossier pour renouveler son passeport avait été refusé à cause d'un léger sourire sur la photo. Il avait dit c'est pas normal, machin et tout. Je voudrais pouvoir sourire. Eh bien non. On n'a toujours pas le droit. C'est Pauline. C'est quoi le message? Il faut voyager sérieusement? Faut pas être fun en voyage? Je comprends pas. Faut pas être fun. C'est dégueulasse. Les voyages, ça se prend au sérieux, ma grande. Et pas des pantalons pareils non plus. Hein, sur les voyages, c'est interdit, ça. On peut pas prendre l'avion avec ça, Clément. Non, mais vous avez vu les coups de pression qu'on prend maintenant dans les photomatons? Tu t'assois, ils te disent, voilà, posez-vous, retirez vos lunettes, enlevez ça, ne pas sourire. Si vous êtes qu'une seule personne, et tu te fais engueuler. La dernière fois, j'ai pleuré, moi. De toute façon, c'est pas de moi. Hein. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Oh, c'est beau. C'est qui? Que c'est beau que tu es poète, c'est de Camille Combal? Pas du tout. Ah bon. Baudelaire, Mousquetaire, Damien Sargue. Non, non. C'est de l'abbé Pierre. Il y a deux trucs, hein, je vous dis, voilà. Ce sera immuable, ça sera toute notre vie, les passeports. Pas le droit de sourire et on se rajoute tous 2 cm. Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai les yeux verts sur mon passeport. Et t'as rajouté 10 cm. Laure, elle a tellement mitonné sur son passeport, elle peut pas voyager à l'étranger. Elle a pas le droit. Mais madame, vous avez pas les yeux verts, vous faites pas un 95D, vous faites pas 1m75. Plusieurs particuliers, marié avec Bradley Cooper. Voilà.

Laure. Salut. Salut Camille, comment ça va? Si ça, c'est pas une voix de 6h41. Salut tout le monde. Une voix de 6h41. Salut tout le monde, ça va? Ok, on a la pêche, on est là. Ça va mon Franck? Tu te réveilles tout juste? Ça va? Non, même pas, ça fait une heure et demie que je suis debout, moi. Ah ouais, bon, dis donc, il faudrait que je t'ai au téléphone, il y a une heure et demie, on doit bien rire. Mon poteau. C'est encore pire. Ben, j'imagine, non, mais c'est normal, c'est vendredi pour vous tous, je sais que vous avez besoin de courage. Oui, Pauline. Il mue? Ah, bah oui, t'es quel âge, Francky? Il mue à 30 ans encore. Oui, c'est ça. Bon, Francky. Il mue à 30 ans. Mais juste si vous nous rejoignez à l'instant, maintenant, chaque fois que Pauline parlera, Pauline. Coucou. On lui mettra du Claude François. Elle a un pantalon ce matin. Mais je l'adore. Je l'offre, mais je l'adore. Non, moi, vraiment. Je veux bien le pantalon. Hein. Si vous faites une dédicace, tout ça, un nouveau studio, en photo, moi je le veux bien. Eh ben écoute, c'est peut-être toi qui gagnera. D'ici la fin de l'émission, on dira qui gagnera le pantalon de Pauline du Standard. Attention, mais pour le moment, t'es là pour quand même autre chose. Le pack brossard avec un iPhone 7, mon pote. Exactement. Si tu préfères le pantalon de Pauline, on inverse. Hein. Non, c'est bon, c'est très bien l'iPhone 7, c'est très très bien. Eh ben écoute, c'est parti, c'est le zappé comme jamais, jingle. Zappé comme jamais, zappé comme jamais, zappé comme jamais. Bon, je vous cache pas qu'on a eu l'idée du jingle avant l'idée du jeu. On avait surtout très envie de faire ce jingle. Alors attention, le zappé comme jamais, c'est simple. Tu vas entendre 5 émissions télé. Tu regardes beaucoup la télé? Ouais. 5 émissions télé qui vont s'enchaîner, d'accord? Tu peux prendre de quoi noter ou quoi. 5 émissions télé qui s'enchaînent. À la fin, je vais te demander d'avoir reconnu au moins 3 émissions télé sur les 5. Ok. Si c'est le cas, pas de brossard avec plein de cadeaux. On y va? Ok, allez, c'est parti quand tu veux. Eh ben, c'est parti. Concentre-toi bien, vous aussi en voiture. Je sais que vous êtes déjà nombreux dans votre voiture. Essayez de retrouver les 5, c'est parti. Vous êtes ensemble depuis combien de temps justement? 7 ans et demi. C'est honteux quoi. 7 ans et demi. Est-ce que toutes les soirées vous les faites ensemble? Bien. Léa, comme Charlotte, on obéit à sa maman et à son papa, et aussi à grand-maman et à grand-papa. Ça c'est obligé. Bonsoir et bienvenue à tous. Mercredi 28 septembre, voici les titres. Ils ont arnaqué avec de faux chèques de banque des centaines de particuliers. 41, 6 et 13. Je vous rappelle, le jackpot de ce soir est un jackpot de 17 millions d'euros. La preuve tout à l'heure, Tamilia, 11 ans, la fille cachée de Beyoncé selon Jennifer, a littéralement envoûté les trois coachs grâce à sa reprise de Hello de Beyoncé. Attention, on a entendu 5. L'équipe déjà, est-ce que vous avez reconnu les 5? Oui. Ginger, oui. Oui. Pauline. Moi j'en ai 4, je pense. 4 sur 5. Et bien la plus importante, c'est est-ce que au 39-16, notre ami Franck en a reconnu au moins 3? On t'écoute, mon pote. J'en ai au moins 3. Alors, déjà le premier, c'est Les Amours. Les Amours avec Tex sur France 2, bonne réponse. Allez. Après, c'est Capital ou Zone Interdite, j'ai un doute. Et c'était voilà. Super Nanny, bisous à toi. C'est la même chose. C'était quoi? Super Nanny. Ah, Super Nanny. Ah ouais, j'ai pas de gauche, je regarde pas. Voilà. Ça, c'était, en tout cas, le deuxième, c'est Super Nanny. Après? Capital ou Zone Interdite? J'ai un doute? Non. Parce qu'il a dit les titres, c'était le JT de... C'était le JT d'M6, le 19h45, et l'animateur, c'est Xavier Demoulin. Et oui. Qui a cette voix. Ah oui. Attention. Alors attention, parce que t'es parti fort, mon pote, t'étais sûr de toi. Les Amours, c'est bon, ça fait un point. Mm-hmm. Deuxième, Super Nanny. Je connais pas le générique de toute façon. Ensuite, le 19h45 d'M6. Ouais. Donc là, t'as qu'une bonne réponse sur 5. Il faut que t'es bon aux deux derniers, mon poteau. Ah, j'en ai un sur le dernier, j'ai un doute. Oh là là. Alors on y va. Je me rappelle même plus les derniers. Je sais que qui veut gagner des millions sur les deux derniers? C'est Jean-Pierre Foucault. Ouais, Jean-Pierre Foucault. C'est Jean-Pierre Foucault, mais c'est pas qui veut gagner des millions. C'est l'euro million. Parce qu'il n'y a plus qui veut gagner des millions au téléphone. Qui veut gagner des millions, c'est l'euro million. Ah bah merde. Et zut alors. Et le dernier c'était? Et le dernier, bah je l'ai pas. Moi j'en avais trois. C'était The Voice Kids le dernier. Oh là là, j'ai pas de gosse. Regarde pas. Et là t'es parti trop sûr de toi, mon pote. Ah ouais, bah c'est comme ça, dès le matin. Mais c'est pas grave, je suis content d'être passé dans les nouveaux studios en plus. La premier auditeur à être passé. Tu sais quoi, t'es le premier auditeur à faire un jeu avec nous dans le nouveau studio. Je vais te dire une bonne chose. tu vas pas pouvoir repartir avec le pack Brossard. On va le remettre en jeu. On en a 4 à offrir ce matin. Ouais. Mais c'est un très beau cadeau. On a des milliers d'appels à chaque jeu. Donc c'est normal de le remettre en jeu. En revanche, c'est officiellement toi qui repars. Non, avec le pantalon de Pauline de Sandra. Et je te promets, je te l'offre, ce legging moulant, brillant, picturasse. Je te l'envoie, il est à toi, mon pote. Oui, Pauline. Allez, vas-y. Je vais le chercher même. C'est important, c'est un taillotte. Hein. Donc ça serre un petit peu au niveau de la taille, mais ça fait de belles hanches. Vraiment, c'est ouais. Ça met en valeur. Mais elle est très belle dedans, c'est plus la couleur hein, qu'on n'aime pas. Hein, Clément. Du coup, si on n'attend pas lundi, on lui envoie tout de suite. Non, Pauline le retire. Je ne fais pas l'émission en culotte. Eh non, malheureusement. Ouais. On a tenté. On ne peut pas nous en vouloir d'avoir tenté. Voilà. C'est bien. Ben oui, c'est bien, mon Francky. Je t'embrasse encore très fort. Merci, mon poteau. Merci vraiment à toi. Restez avec nous, les copains, sur Virgin Radio. On va s'écouter Stardust. Ouais. Music sounds better with you. Je vous souhaite un excellent réveil, un bon vendredi. Je sais que c'est pas simple pour vous. On est là, en tout cas, pour vous donner du courage avec toute l'équipe. Oui. 6h, 9h, c'est Virgin Tonic et 4 iPhone 7 à offrir donc. We'll be right back.

travail à vous tous les amis, 6h56, j'espère que ça va pour vous. Bienvenue en tout cas dans le Virgin Tonic, vous êtes ici chez vous. Si vous nous écoutez pour la première fois, je vous présente Clément Lincru. Salut, bonjour. Je vous présente ma petite Laure. Salut, est-ce que tu me vois? Oui, je te vois. Je vous présente Pauline au standard. Et coucou. J'attends tous vos appels au 3916 les amis. Je suis complètement perdu, on a un nouveau studio donc ça a changé. Ouais. Je suis en face de Clément, j'aperçois à peine Laure. Alors que d'habitude on était à côté, moi j'avais Clément à ma gauche, Nico à ma droite, bref c'est tout est changé. On est là, je joue. Et c'est normal parce que c'est comme vous qui avez des habitudes au travail, on est un peu perdu. Oui, ouais. C'est un peu déstabilisant. Mais on est très heureux en tout cas, et surtout le plus important, on a un immense mur avec tous vos visages, vous tous qui avez envoyé votre photo sur Facebook, et vous êtes avec nous. Ouais, parce que c'est aussi votre studio, bien sûr, c'est important. J'embrasse Louis, tiens d'ailleurs, qui nous écoute tous les matins. Oui. Il m'a beaucoup fait rire. Hein. Dans un instant, bien sûr, un point sur l'actu. Dans un instant, la question de ouf, comme chaque matin à 7h05. Mais alors Louis, il m'a énormément fait rire. Il m'a envoyé un message sur Facebook. Ouais. Mm-hmm. Il me dit « Salut Camille, j'ai un vrai souci. Il faut que tu lances un appel à ma chérie Lise. » Parce qu'en fait, il a tellement joué à FIFA 17 qu'elle lui a caché le jeu. Ah, c'est moche. Non, ah bah ouais, mais bon, au bout d'un moment. Tout nouveau FIFA est sorti et voilà, c'est normal. C'est voilà, le moment où il sort, t'as envie de jouer, tu fais plus que ça, quoi. T'oublies un peu ta chérie, malheureusement. Elle lui a caché le jeu. Lise, rends ce jeu. Lise, cesse de faire l'enfant. Put that game down. Ne fais pas de bêtises. Pose ce jeu, Lise. Oui, Laure. Oui, mais quand vous commencez à jouer à FIFA, vous êtes incapable de vous arrêter, c'est insupportable. C'est vrai. Vous n'avez pas de limite, c'est comme quand je vais chez Zara. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Vous ne savez pas vous arrêter. Mais je comprends. Moi, j'ai ça un peu quand j'ai pu m'arrêter, quand je. Ça le fait à tout le monde. Piqûre de moustique. À gratter. Bah oui. Ça et manger des pistaches. C'est clair. T'en manges une, t'en manges mille. Ah bah, c'est clair. Des cahuètes. T'en manges une, t'en manges mille. Ouais, t'en mangez pas, t'en manges une, t'en manges mille. Clément. Et piquer, tu sais, les frites dans l'assiette de l'autre, quand il te dit t'en veux, tu dis ah, je t'en prends une. Et en fait, tu dis c'est pas mon assiette, mais je reprends. Ça n'existe pas de manger une frite. Mais non. Ça n'existe pas. Ah, c'est bien fait. C'est, ouais, on dit pas une frite, on dit des frites. On dit des frites. Bah, oui, bah voilà. Bah voilà, tu piques des frites. Bah bien sûr. Pauline, au standard. Bah, moi, quand j'ai une petite peau qui dépasse autour d'un ongle. Un cuticule. Oui, cuticule. Et je commence à tirer. Et alors, je tire. Et puis, ça me fait sortir une autre et une autre et une autre. Et je peux pas m'arrêter. Et en fait. Un cuticule. Oui, une autre cuticule. Très bien de connaître ce mot. Bah, l'après, je suis chez Beau 10 minutes, moi. Ouais. Je suis à 23 euros sur l'épilation américaine. C'est pas cher, dis donc. L'épilation américaine. On va venir te voir. Ça n'existe pas. Non. Brésilienne, non. Brésilienne, autant pour moi. Je découvre un peu hein, en même temps. Bah, oui, Nico du bureau. Non, la violation américaine, c'est pas quand il y a la feuille de la salade qui sort. Oh là là. Nico, mais ça va. Tu sais quoi, Nico, tu sors du nouveau studio. Pourquoi? On n'aime pas ça. Tu sors du nouveau studio. Qu'est-ce qui t'arrive enfin, Nico? Comme dans Nico, on n'est pas en train de négocier, tu devrais déjà être dehors. D'accord, il est encore en train de parler, dire bah non, mais enfin, comprenez, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Est-ce qu'il y a des choses, vous aussi, vous pouvez plus vous arrêter quand vous avez démarrer. Tiens, je vais vous demander au standard, vous êtes nombreux. Tiens, Perrine, bonjour Perrine. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Salut. Perrine, ma belle, est-ce qu'il y a une chose, tu ne peux plus t'arrêter de le faire une fois que tu le fais? Oui, alors moi, c'est quand je commence à faire des bisous à mon fils et qu'il me demande des câlins. Bon, la plupart du temps, après, il me demande d'arrêter, mais j'aime tellement fort, je peux pas m'arrêter, limite, je l'étouffe, quoi. Je parie avec mon chien. Ouais. Non, mais c'est vrai, il aime pas mes câlins, mon chien, et j'adore, dès que j'en fais, je pourrais rester une heure. Oui, Laure. Ça va, il n'y a pas Perrine dans la demeure. Non, je regrette. Il y a pas quoi. Je regrette avant même de parler. Ça voulait dire Perrine dans la demeure. C'est une expression, mais non, c'est trop vieux, là, ça va pas. Les amis, je crois que je vais rejoindre Nico. Nico et Laure, là, ça va pas du tout. Je vous le dis, si vous trouvez pas de meilleures intentions pour le nouveau studio, on va pas y arriver. Je suis désolé. Rejoins Nico. Oui, rejoins Nico dehors. Clément. Ce qui est bien, c'est qu'on a un studio 4 fois plus grand, on va être 3 fois moins. Oui, ma petite Pauline. Mais c'est surtout que je pense que le fils de Perrine n'a pas la même odeur que ton chien. Donc elle peut le couvrir de bisous à volonté. Bien sans meilleur que le crâne d'un enfant. Bah ouais. Ah non mais c'est vrai. C'est bizarre vrai. Cette phrase. Bah non mais moi je suis pas papa mais mon neveu qui était bébé ou quoi, ouais. Les parents ils le savent, ah ouais. Le crâne d'un bébé ça sent trop bon. C'est trop vrai. Bon. Crâne de mon chien. Aïe. Je sais pas que ça sent. Ah ben ça c'est autre chose quoi. Oui Pauline. Mais tu vois le il y a un nouveau mont savon. Ah non, c'est le Kadoum, ça me fait penser à l'odeur des enfants et c'est pour ça que je me lave avec ça parce que je me dis après que j'ai l'odeur d'une peau de bébé. Kadoum, très bonne idée. Kadoum. Ouais. Laure, ne lève pas la main, tu prends la pierre. Hein. Je vous rappelle, non, Nico et Laure, c'est terminé. Hein. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio, 7h tout pile. On va faire un point sur l'actu, les amis. C'est important et oui, de savoir ce qui se passe près de chez vous tous les matins avec tous nos journalistes. On revient vraiment juste après là, dans un instant, ne bougez pas. Et c'est DJ Snake qui arrive pour le pop rock électro. Bon réveil. Virgin Radio. Your radio. Pop rock. Electro. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un temps mitigé aujourd'hui avec des averses attendues de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est via la région Centre-Val-de-Loire. Des nuages au nord, du soleil au sud, 22 degrés en moyenne cet après-midi. De la pluie, des orages pour demain, mais de belles éclaircies pour dimanche. La tempête tropicale Matthew s'est renforcée dans les Caraïbes. Elle a été hissée au rang d'ouragan de niveau 1 sur 5. Après avoir touché la Martinique, Matthew met le cap actuellement vers Haïti, la République Dominicaine et les îles sous le vent. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont arrivés hier soir à Tel Aviv. Ils ont voyagé ensemble côte à côte dans le Falcon présidentiel. L'avion s'est posé vers 23h30 hier soir donc à l'aéroport Ben Gurion. Puis le cortège a filé à vive allure jusqu'à Jérusalem. Le président français et son prédécesseur vont assister aux obsèques de Shimon Peres au cimetière du Mont Herzl. Aux côtés d'une centaine de dirigeants du monde entier, la police israélienne est sur les dents. Pas moins de 8000 agents sont mobilisés. Aux États-Unis, défaillance technique ou erreur humaine, toutes les pistes sont envisagées après l'accident de train survenu hier après-midi dans une gare très fréquentée du New Jersey. Le train est entré en gare sans ralentir aux à peu près 50 km/h. Il a sauté les butoirs en bout de voie avant de s'écraser contre un mur. Une partie du plafond s'est effondrée. Le bilan est ce matin d'un mort et de 114 blessés. Le conducteur du train qui a pu sortir de l'hôpital participe à l'enquête. Les gros bacchiches des superflics à la une du Parisien. Ce matin, le quotidien révèle que les policiers chargés de la sécurité des VIPs étrangers reçoivent d'importants pourboires, environ 400 € par mois. Un secret bien gardé jusque-là, mais totalement hors la loi, d'autant que cet argent n'est pas déclaré. J-1 pour le mondial de l'automobile, porte de Versailles à Paris. Le plus grand salon auto du monde est accessible depuis hier aux professionnels et aux journalistes accrédités. Ils ont pu y découvrir les tendances du marché, les crossovers et les voitures électriques. Côté français, Renault a frappé fort en annonçant que la Zoé serait désormais dotée d'une autonomie d'environ 300 km en conditions réelles. 35% des Français se disent prêts aujourd'hui à opter pour une voiture électrique. Le mondial de l'auto du 1er au 16 octobre au parc des Expos. En foot, match nul de Saint-Etienne, un but partout face à Anderlecht hier dans la deuxième journée de la Ligue Europa. Nice a sombré 5-2 en Russie contre Krasnodar. Aujourd'hui, place à la 8e journée de Ligue 1 avec Rennes-Guingamp ce soir à 20h45. Nice, le leader, recevra Lorient dimanche après-midi. Paris jouera demain face à Bordeaux. Le PSG qui va bientôt pouvoir faire revenir ses supporters ultra au Parc des Princes. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Bon réveil. Excellent réveil à vous tous les amis, 7h03, bienvenue sur Virgin Radio, vous êtes ici chez vous bien sûr, 6h, 9h, on est là à vos côtés chaque matin bien sûr, il y a Clément, bonjour, il y a Laure, salut, il y a Pauline du Standard, coucou. C'est le 3916 pour nous joindre, on a des cadeaux magnifiques à vous offrir, 4 iPhones, ouais, 4 iPhones avant 9h les amis, 4 iPhones, je sais même pas comment on aura le temps de vous les offrir, je vous jure on est comme des dingues, c'est le grâce au pack Brossard, bien sûr ce Brossard fête ses 20 ans et il vous offre Brownie à volonté, il vous offre un séjour tout frais payé à Paris et donc 4 iPhones, c'est un truc de dingue les amis, n'hésitez pas à vous inscrire et puis surtout vous le savez, le rendez-vous que vous attendez tous, je vois le nombre de SMS que j'ai déjà reçu, c'est votre loyer qui est à gagner dans 15 minutes à peine, loyer au 7 12 13, là ça se passe par SMS, envoyez-moi un texto et ce sera peut-être vous le prochain grand gagnant. Vous qui êtes en train de vous réveiller, vous qui êtes en train d'ouvrir les yeux, j'ai trouvé une info dingue sur le site de Marie-Claire. Ah oui, ouais, vas-y. Ouais. C'est une copine à moi. Marie-Claire, sachez qu'il nous révèle cet article ce que font les Français dès le réveil. Ouais. D'après vous, tiens. Premier truc que font les Français au réveil, le numéro 1, Clément. Ils se recouchent. Ils se remettent. Non, Pauline, c'est pas ça. Laure. Ils vont aux toilettes. Oui. Non. Avant. Ça a peut-être été ça, ce n'est plus ça. Ah bon, Pauline. Bisous chérie ou bisous animal. Eh ben non, c'est plus triste que ça. J'aimerais que ce soit vrai. Ah mais si. Eh non, ils vont sur leur smartphone. Bah oui, bah oui, mais parce qu'on met les réveils dessus aussi maintenant. Ils vont sur les smartphones. 58% des Français vont sur le smartphone dès le réveil, pas pour le réveil, pour aller directement sur Facebook ou sur Twitter pour parler à Ginger qui s'occupe des réseaux sociaux pour nous parler. Ça nous fait très plaisir. Mais avant même d'embrasser leur chérie, avant même d'aller faire un petit pipi, le premier truc, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, Clément. Mais non, mais parce que le réveil est dessus maintenant, donc tu snooze sur le téléphone. Je viens de te dire pas pour le réveil. Et non, mais après tu l'as dans la main et tu restes dessus et tu dis tiens, Catherine a appelé. Hop, tu regardes, ah ben j'ai des messages. En fait, tu l'as machinalement et tu le prends. T'as beaucoup d'appels de Catherine, toi. Non, mais bon. On on en découvre un petit peu sur Clément. On embrasse en tout cas cette satanée catoche qui est peut-être en train de nous écouter. Catherine, bon, écoute, pourquoi pas. Oui, Pauline. Ils vont sur leur smartphone parce qu'ils dorment avec leur smartphone. J'arrive pas à le dire. Hmm? Moi, je dors pas avec mon smartphone. Tu vois, je casse pas l'économie du réveil. J'ai un vrai réveil qui est joli, qui sonne. Mais quoi ? Comment c'est, il est joli ? C'est-à-dire, toi, tu restes à l'ancienne avec le vieux réveil qui sonne à côté ? Oui, avec les deux petites cloches dessus. Et il est où ton téléphone ? Bah, mon téléphone, il est dans mon appart, c'est un salon chambre, machin. Donc, je le mets dans la salle de bain. Je le mets souvent dans la salle de bain, comme ça, quand j'arrive, j'allume la radio. Pour pas avoir les mauvaises ondes et tout. Bah, évidemment, vous verrez dans 10 ans, vous verrez. Vous verrez, vous serez dans 10 ans. Quand ce sera le Virgin Tonic de Pauline du Standard. Vous aurez tous des ondes dans la tête. Oui, Clem. Non, mais il y a le mode avion qui existe, mais il faudrait le mode lit. C'est-à-dire, tu peux quand même regarder des vidéos si t'as envie pour t'endormir et mettre de la musique, mais t'es pas dérangé par les appels. Mais surtout, il faudra un mode bateau aussi. Quand tu pars en croisière ou pas. Voilà. Et oui. Un mode bateau, un mode lit, un mode avion. Voilà. Nouveau smartphone. Et un mode lore. Elle peut pas appeler à l'étranger avec ton téléphone. Parce que sinon, ça va te coûter une blinde. Les amis, 7h07. Et si on se faisait la question de ouf, ça vous dit c'est vous qui avez encore une fois laissé tous les messages sur notre répondeur. On écoute. Question de ouf. Et oui, la question de ouf, les amis, chaque matin, on écoute vos messages 01 84 07 08 09. Fait la question ce matin, c'est quoi votre technique à vous pour arrêter de fumer? Parce qu'on a un nouveau studio et le temps d'aller fumer, eh ben, on n'a pas le temps de revenir. Donc pour ceux qui fument dans l'équipe, c'est embêtant. Lorsque j'avais envie de fumer, je mangeais des Tic Tac. Alors non, n'allez pas manger Tic et Tac de chez Monsieur la Petite Souris aux Grandes Oreilles. N'empêche, j'ai pris 13 kilos, mais je ne fume plus depuis 3 ans. Alors pour essayer d'arrêter de fumer, j'ai déjà installé un piège à souris sur mon paquet de cigarettes. Et je peux vous dire que ça fait mal. Bah, je taxe 20 clopes par jour à mes collègues, bah, comme ça au bout de 3 jours, bah, plus personne m'en donne. Alors tu mets des épices tout autour du filtre, et dès que tu ouvres ton paquet... Bah, je peux te dire que l'odeur d'épices, ça te dégoûte totalement de la cigarette. Dès que tu prends une cigarette, tu t'obliges à envoyer un message sympa à ta belle-mère. Comme ça, après, tu n'auras plus du tout envie de fumer parce que tu sais que tu devras envoyer ce petit message mignon auquel tu n'as pas du tout envie. Eh ben, je me suis mise à lire le super livre « Arrêtez de fumer pour les nuls ». Résultat, bah, je fume encore plus. C'est de fumer pendant qu'on a la grippe. Bah, j'ai essayé il y a 6 mois et j'ai plus fumé depuis. Et puis, enfin, si vous voulez des astuces pour avoir la grippe aussi, journée. Question de ouf. Vous voulez peut-être arrêter de fumer, c'est une très bonne idée. Alors faites la technique de Régis, un des meilleurs amis de mon père. Mmh. J'invente rien. Ouais. C'est-à-dire que tous les matins, son patron lui piquait des cigarettes. Ouais. Ok. Ouais. Et un jour, il s'est mis à fumer des mentoles. Truc à la menthe ou quoi, machin. Bon, moi, je fume pas, mais il paraît que c'est horrible. Bah, horrible. Des mentoles. Et du coup, il est arrivé, il lui a dit « Ouais, je peux te piquer des cigarettes tous les matins ?» Il disait « Bah ouais, j'ai que des mentoles. »« Oh non, machin !» Et ben, ça fait 25 ans qu'il fume des mentoles. C'est-à-dire que je vous jure, tout ce que je vous dis est vrai. Donc c'est peut-être une technique pour vous. 7h09, les amis, restez avec nous. Vous êtes dans le Virgin Tonic, bien sûr, vous êtes ici chez vous. Et c'est DJ Snake qu'on écoute tout de suite. This is Justin Bieber. Hey, c'est DJ Snake. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away, never let you go, never let me down. excellent réveil à vous tous sur Virgin Radio, 7h11. Merci de nous avoir choisis si nombreux chaque matin. On est très heureux d'être là avec toute l'équipe. Oui, c'est vendredi, c'est le 30 septembre. Chez vous avez besoin de courage. Courage vraiment à vous tous. Pensez déjà à ce que vous allez faire ce week-end. Vous verrez, tout se passera mieux. Vous êtes peut-être nombreux à partir ce soir chez vos beaux-parents, chez vos parents. Eh oui. C'est le cas de Laure, par exemple. Eh oui, moi, ce week-end, on a les enfants. On a les, c'est-à-dire, donc, t'as les, c'est-à-dire la tienne. Une semaine sur deux, tu les as. Une semaine sur deux, tu les as pas. Comment vous vous organisez d'ailleurs? Justement, parce que c'est quand même une grosse organisation. Si vous êtes tous les deux, c'est pas. Est-ce que vous faites en sorte d'avoir tous les enfants le week-end et aucun le week-end d'après? Je pense bien que oui. Donc ta fille part chez son papa et ses enfants partent chez la maman. Voilà. Ou est-ce que vous faites un peu les uns ou les autres? Non, on fait tout d'un coup. Ouais, parce qu'après, le week-end d'après, c'est sympa quand même. Mais sympa d'être parent aussi, peut-être. Oui, non, mais c'est super. Évidemment, mais bon, c'est sympa quand même quand t'as trois enfants, de temps en temps, avoir une petite respiration. Mais il y a un truc qui est pas pratique. Le week-end dernier, on a dû racheter tous les bouquins du fils de Juju. Parce qu'en fait, il avait laissé les bouquins chez sa mère. Sa mère était en week-end, donc impossible de les récupérer, donc pas de bouquins. Et la pour les devoirs temps... Oui. Ah mince. Non, mais une galère. Donc la plupart du temps, en fait, son cartable pèse plus lourd que lui. Ça fait partie des petits inconvénients d'une semaine sur deux. Il y en a pas mal, mais. Il y en a pas mal. Nico, qui est également divorcé, Nico. Oui, oui. Et puis, non, c'est vrai qu'il y a pas mal de. Merci de me rappeler. C'est vrai qu'il y a pas mal de galères. Merci de me le rappeler. Merci. Mets un peu de cognac dans mon café. Mais ça va mieux, ouais. Je suis à 4 paquets de clopes par jour. Je m'endors tous les soirs devant 4 mariages et un enterrement. Ça va bien pour moi là, je suis au top de ma forme là. Ah là, je pense même à prendre une douche, tu vois, ça fait 3 mois que j'en prends pas, je suis en train de me dire, t'as si je prenais pas une douche là. Ah non, je me remets là, je suis en pleine bourre. En pleine bourre. Donc toi aussi, ta fille, un week-end sur deux. J'ai ma fille un week-end sur deux. Et effectivement, quand je l'ai, il y a pas mal de galères. Mais le truc surtout, c'est qu'en fait, il faut ne rien oublier. C'est-à-dire, quand tu la récupères, des fois, j'ai l'impression que je ramène Beyoncé à la maison avec sa valise, quoi. Tellement elle a deux trucs, etc. Et si tu oublies le doudou. Une fois on a oublié le doudou, mais tu vois, c'est pire que d'oublier genre une case dans sa feuille d'impôt ou d'oublier du prosecco sur tu fais un sprint quoi. La référence de Nico du bureau. Alors, le sprint c'est un cocktail et le prosecco c'est ce qui va dedans. Voilà. Et apparemment c'est ce qui ruine sa vie en ce moment. Bah non, le doudou c'est trois fois pire. Vraiment. Le doudou, mais alors ça vaut pour quand on part en divorcé un week-end sur deux. Mais c'est vrai que moi mon frère qui est toujours avec la maman, du contraire, c'est pareil. Une fois, ils avaient oublié le doudou, il peut faire 500 km parce que sinon l'enfant va pas quoi. Alors, un conseil aux parents, il faut acheter 3 doudous quand on achète un. C'est pas vrai, mais pas du tout. Alors, elle croit qu'elle va les feinter comme ça, les enfants. Le doudou, il prend l'odeur de l'enfant, après ça devient son doudou parce que justement il l'a gardé plusieurs mois. Moi, tu arrives pas à lui faire, c'est un leurre pour le doudou neuf. Je veux dire, il le laisse. Ah ouais, bien sûr, il a pas son odeur. Oui, Clément, faut se dire que le doudou, c'est un iPhone pour nous. C'est ça. Si tu l'as pas, t'es perdu, Tu passes pas une journée au bureau sans ton téléphone. Ben voilà. T'as peur que ta mère fouille dedans? Dans mon doudou. Tiens les amis, dites-nous vous aussi peut-être. Attendez, on va demander, on a plein de monde au standard. On a quatre, on va prendre Jérémy. Bonjour Jérémy. Salut Camille, salut à tous. Salut. Jérémy, alors est-ce que toi, tes parents sont ensemble ou divorcés, ou toi-même tu es parent? Alors moi je suis papa en effet, et divorcé en effet aussi. Alors dis-moi, est-ce que toi aussi il y a un truc comme ça où quand même c'est galère d'avoir tes enfants, ou un week-end sur deux ou une semaine sur deux, peu importe. Est-ce qu'il y a des galères que toi aussi, auxquelles toi aussi t'es exposé? Eh ben écoute, la galère ultime en fait, c'est pour faire manger mon gamin forcément. Quand tu prévois un petit plaisir, tu vois, tu te dis bon allez, on attaque le week-end, on va aller au McDo. Eh ben ouais, mais sauf que tu vas manger au McDo, et puis quand maman la récupère, et tu te fais engueuler parce que le vendredi elle a aussi été au McDo avec le gamin. Ça fait partie des côtés pratiques, parce que l'enfant souvent il dit ah maman me devait donner 30 euros hier, elle l'a pas fait, alors qu'en fait maman l'a fait, tu récupères 30 euros du papa. Aussi des avantages heureusement. Je crois que c'est la pub Ikea non qui est super drôle là dessus. Le petit dit mais non, mais j'ai des coquillettes au jambon non stop. Elle est géniale. Pauline au standard. Mais moi je faisais ça pour les sorties, je disais à mon père que ma mère m'avait dit oui. D'accord. Le problème c'est que toi ils s'étaient pas divorcés. Si, c'est moi, je suis fille de parents divorcés mais qui sont très très amis. Donc ils habitent à côté, ils se voient tout le temps. Enfin bon, voilà. Ah d'accord. Mais ils sont divorcés. Hein. D'accord. On appelle ça l'échangisme. Les amis, 7h16, restez avec nous sur Virgin. Et merci mon Jérôme d'être là avec nous au standard. Merci à vous tous d'être si nombreux. Hein. Au 3916, n'oubliez pas de vous inscrire hein, très vite hein, parce que là on arrive dans 3 minutes à peine. J'ai déjà un deuxième loyer à vous offrir, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Ne bougez surtout pas, c'est le Virgin Tonic avec vous. Et Julien Doré qui arrive pour le pop rock électro. Montez le son de votre radio, montez, montez! Il y a un nouveau prix inratable chez U. C'est au rayon boucherie, l'épaule de porc sans os à rôtir, origine France, est à 2,97€ le kilo seulement! Impossible! Si! 2,97€ le kilo, la savoureuse épaule de porc! C'est inratable! Faites-moi plaisir, ne le ratez pas! Ce serait dommage pour vous! Oh non, ce serait trop dommage! C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants et sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Le magique anniversaire de But continue. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En ce moment, moins 200€ sur le lave-linge Hublot 7 kg Electrolux. 299,99€ au lieu de 499,99€. On me dit ça, j'y cours. But, c'est nous. Il est où là le programme laine sur la machine? Ah non, non, non, faut laver à la main, il marche plus. Ah, on va plutôt aller chez But. C'est sensationnel. Enfin, ma chérie, on dit sensationnel. Mais non, maman, c'est sensationnel. À la halle, c'est jusqu'à moins 50% sur plus de 3000 modèles. Ah oui? Et pour être mode de la tête aux pieds, c'est tout de suite maintenant. Moins 50%. Ah, ça, c'est sensationnel. La halle, c'est vraiment vous. Offre valable jusqu'au 10 octobre. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Ça veut dire quoi, miam, pour Darty? Miam, c'est quand on peut dorer sans faire brûler, poêler sans attacher, refroidir sans congeler. C'est quand on peut toujours plus s'équiper sans se ruiner. Darty lance l'opération Miam. Du 28 septembre au 16 octobre, pour l'achat de 2 appareils électroménagers encastrables Siemens, le deuxième est à moins 20%. Et pour 3 appareils achetés, le troisième est à moins 30%. Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Réduction de 30% sur le produit le moins cher de la vente et réduction de 20% sur le deuxième produit le moins cher. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et ce sera un temps très instable pour aujourd'hui à travers tout le pays. Du soleil sur le Pays Basque et la Provence, mais des nuages et des averses quasiment partout ailleurs au fil de la journée. Vous aurez 16 degrés cet après-midi à Brest et à Cherbourg, 17 à Deauville, 18 à Lille, 19 pour Rennes et pour Nantes, 20 degrés à Paris, à Tours et à Limoges, 21 à Strasbourg, 22 à Chambéry, 23 à Bordeaux et à Marseille, 24 à Lyon, 25 à Perpignan, 27 à Toulouse. La pluie sera omniprésente demain sur tout le pays. Une légère amélioration au cours du dimanche. Bon réveil. Virgin Radio TV. Regardez dès maintenant tous les clips de votre playlist pop, rock, électro, où vous soyez. Everywhere. Salut, c'est Frérot de la Vega. Salut, c'est Julien Doré. Hey guys, this is Bruno Mars. Salut, c'est Zivner. Regardez mes clips. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Virgin. Retrouvez vos artistes préférés. Chaîne 150 de votre télé SFR. Chaîne 67 de votre Freebox. Chaîne 142 de votre télé Orange. Chaîne 93 de votre box Bouygues Télécom. Sur Dailymotion. Et sur virginradio.fr. Virgin Radio TV. 100%. Music. Sur tous vos écrans. Pop. Rock. Electro. Chattez par SMS avec des milliers de connectés. Envoyez libre suivi du numéro de votre département au 62333. Message fiche 30 accentis par SMS à vous d'envoi service modéré. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compil officielle avec Richard Orlinski, Imani, Coombs, DJ Snake, LP, Calvin Harris, The Avener, Charlie Puth, Julian Perita, Jonas Blue. Virgin Tonic, c'est la compilation. Match au 73-200, nos experts vous disent si vous êtes vraiment compatible. Match, M-A-T-C-H au 73-200. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'Opas. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Le nouveau Feder. Le nouveau Shawn Mendes. I know I can treat you better than he. Petit Biscuit. Virgin Radio. Pop. Rock. Electro. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Eh oui les amis, c'est comme chaque matin à 7h20, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Vous êtes peut-être déjà en voiture, en train de partir au travail, peut-être encore en train de prendre soin de toute la petite famille, préparer le petit déj, prendre votre douche. Les copains, quoi qu'il arrive, il y a un rendez-vous au moment on se retrouve tous autour de ce rendez-vous comme un bon vieux feu de cheminée à la période de Noël avant de goûter les mandarines. Et là, maintenant, on se retrouve tous autour de ce rendez-vous là. Nous, on est tous assis en tailleur là. Hein, autour du loyer là. C'est un bivouac. Oui. Autour du chéquier, en bivouac. En tailleur Chanel. Exactement. Non, en bivouac comme dans le Paris-Dakar. Là, on est tous ensemble là, au coin du feu. Et il y a le loyer qui est devant nous. Il y a le chéquier de Virgin Radio qui est là et on est prêt à vous faire des chèques comme on le fait toutes les heures. 10h20, 7h20 et 8h20, les amis. Un seul numéro pour vous inscrire, loyer au 7, 12, 13. Tous les SMS qu'on a reçus, on en tire un au sort. Ça a démarré très fort. Il y a une heure, Laetitia, en direct, a gagné 1249 €. Ouais. C'est énorme. Ouais. Tu le sens passer. Ah oui. Nous, c'est pas grave. L'important, ce qu'on veut, c'est vous faire plaisir. Vous le savez, quel que soit le montant de votre loyer, votre mensualité de crédit, hein, va aussi, si vous êtes propriétaire, c'est important, ça marche. Un texto, je vous rappelle en direct, vous me répondez Virgin Radio, c'est gagné pour vous. C'est aussi simple que ça. On vous fait le chèque, vous le dépensez. Allô, comme vous voulez. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? Émilie. Émilie? Oui. Ça va? Ça va, un peu, je viens de me réveiller. Je comprends, c'est normal ma chérie. Et t'as quand même eu le temps de m'envoyer un texto, tu viens d'où? Aix-en-Provence. Oh là là. Bon, bah, c'est déjà gagné alors. Oh là là. Aix-en-Provence, la plus belle ville au monde. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah, je l'adore. Tu sais que j'y passe toutes mes vacances, hein. C'est vrai? Eh oui, mes parents, mes parents sont en bas, je passe toutes mes vacances à Aix-en-Provence. Ma belle. Ouais, non, c'est. Je tremble, je sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Bah attends, il va falloir que tu répondes. D'abord, il va falloir que tu répondes. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Oh, je suis content. J'ai envie de mettre une musique de fête, j'en ai pas. On chante. Oh là là là là, qu'est-ce que je tiens? Ça marche? Il va aller rouler toute la maison là, je crois. Oh là là. Petite fête. T'es propriétaire ou locataire? Locataire. Et alors, t'as un loyer de combien? 1020 €. Eh bien, ma chérie, on est très heureux, on va te faire le chèque tout de suite. Ça veut dire qu'on a déjà offert pour quasiment 2300 € de loyer en à peine deux tirages au sort. Et non, il en reste un dans une heure à 8h20. Je vais aller travailler, mais je vais essayer. Écoute, ma chérie, t'as une belle nouvelle. Hein. Vraiment, je suis content. Ouais, vraiment. Tu fais quoi dans la vie? Je suis téléconseillère. Ah. Pour qui? Travaux.com. Travaux.com, d'accord, très bien. Eh ben ma chérie, on est heureux, tu dépenses l'argent comme tu veux. D'accord, tu vas faire quoi ce week-end? Tu vas aller au Mistral, à la boîte? Non, je crois pas, c'est plus mon âge. Oh, oh, t'as quel âge? Non, j'ai 30 ans, mais... Bah, ouais. Oh. Attends, 30 ans. Ailleurs. Bah ah, tu iras ailleurs. Ben ma chérie, en tout cas, fais-toi plaisir. Je te dis franchement, amuse-toi, et puis on va te faire le chèque 2020, on te l'envoie tout de suite, d'accord? Bon, merci beaucoup, bonne journée, je vous écoute tout à l'heure. Eh ben t'es un ange ma chérie, des gros bisous à toi, félicitations. Émilie, déjà deuxième gagnante de la matinée. Et on continue comme ça, 8h20, prochain tirage, bonne chance à tous. Désolé pour tous ceux qui ont pas eu la chance d'être tirés au sort là. Et puis Julien Doré, Le Lac, voilà ce qu'on écoute tout de suite dans le Virgin Tonic, bon réveil. Salut, c'est Julien Doré dans Virgin Tonic. Sur les Virgin Tonic. Se dessine, courageux et fort, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimer sur les bords. Ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Je reviendrai fort. tomber la mort. La bande est facile. Serre-moi encore. Que mes anges vacillent. T'aimer sur les bords du lac. Ton cœur sur mon corps. Qui respire pourvu que les hommes nous regardent. Amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac. Ton cœur sur mon corps. Qui respire pourvu que les hommes nous regardent. Amoureux de l'ombre et du pire. Bon réveil à vous tous sur Virgin Radio, soyez les bienvenus. Oui, c'est le Virgin Tonic, 6h, 9h chaque matin à vos côtés. Courage, c'est vendredi. Je sais qu'à cette heure-ci, il y a tous ceux qui sont déjà en route pour le travail. D'autres sont encore à la maison. En tous les cas, on pense très, très fort à vous. En train d'ouvrir les yeux aussi. Hein. C'est le cas de Émilie, à peine quelques minutes, qui a gagné son loyer. Ouais, oui. On l'a réveillée presque. Elle avait juste envoyé un petit texto et on lui a payé 1 020 € de loyer dans un instant. L'actu, dans un instant. Le réponse à tout à 7h35, comme tous les matins. Et puis l'équipe est là. La popo du standard. Coucou. Le Clément Lincrust. Salut. Et la petite Laure. Salut à toi. Les amis, c'est le mondial de l'auto qui a ouvert, vous saviez ça? Oui. Alors, je sais, alors ça se trouve à Paris, bien sûr, vous êtes très nombreux à y aller, mais je sais que vous montez de, voilà, de toute la France, c'est vraiment un événement. Moi, je sais que mon papa, quand il a la chance de pouvoir y aller, il y va. C'est vraiment un truc de papa, on adore, quoi. Voilà. Ouais, vraiment. Mondial de l'auto, donc c'est quand? C'est du 1er. Ça ouvre samedi. Ouais. Ça ouvre samedi. Ça ouvre samedi officiellement, il y a déjà quelques petits trucs ouverts. Et, oui. Et il y a une nouveauté cette année, c'est qu'il y a toutes les voitures des films. Qui sont exposés, des vraies voitures de films. Oh. Genre la, ils ont même la, genre les vraies, comme la voiture de K2000 et tout. Elle est là-bas, celle de K2000, elle est là-bas. Il y a même celle des visiteurs, tu sais, de la poste qui se fait défoncer. Oh, c'est génial. Elle est intacte là-bas. Elle est, c'est pas la plus belle, mais c'est drôle de la voir en vrai. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est celle du film ou c'est juste une Renault 5? C'est celle du film. Ah, génial. Ouais, c'est des vraies voitures des films. Excuse-moi, je crois qu'ils avaient juste mis une Renault 5 de la poste, quoi. Tu vois, ah, c'est génial. Mais c'est magnifique, ça. Il y a celle de Jurassic Park. Moi, si je devais en choisir une, il y a la Jeep de Jurassic Park avec les dinosaures sur le côté, quoi. Et cabriolet. Ouais, cabriolet, évidemment. Donc, non, attends, c'est génial, je savais pas du tout. Ouais. C'est le mondial de l'auto, donc il y a les. Mais c'est celle dans lesquelles les acteurs ont tourné. Ouais. Trop bien. Génialissime. Ah ouais, il y en a deux ou trois où c'est des copies, mais sinon c'est quasiment toutes les vraies. Et il y a celle que t'adores aussi, Ghostbusters, la Cadillac. Oh, sérieux? Ouais. La classe. Oh, la classe. C'est quoi la voiture, tiens, dans un film ou dans une série? Je vais vous demander au standard au 3916. La voiture de série ou de film que vous rêveriez d'avoir? Moi, je prendrais la coccinelle de Un amour de coccinelle. J'adorais ça. Ouais. Ah, c'est ouais, qui parlait un peu avec les phares. Elle parlait pas avec comme par exemple K2000 ou quoi, mais. Excuse-moi, la série Michael Knight, c'est le héros. Oui. Kit, c'est la voiture. Elle mais elle est à l'ancienne, mais elle est très sympathique. Et moi, je prendrais ça là, je pense. Ok, Coxia, je capte. Clément, toi, tu de la type de Jurassic Park. Pauline, moi, le van de. Dans le. Scooby-Doo, le van. Ou toi. Non, le van. Non, jaune, là, dans Little Miss Sunshine. Ah, le van Little Miss Sunshine. C'est mon rêve d'avoir ce van. Il est trop beau, il est vintage. C'est un combi Volkswagen. Il est magnifique. On parle de voiture, genre la coccinelle, elle parle, celle de Jurassic Park. Si Park t'es trop stylé dedans, elle peut courir après les dinosaures. Moi, quitte quand même à l'époque. Bon, maintenant c'est un GPS, mais à l'époque tu pouvais parler, l'appeler et tout. L'autre c'est combi Volkswagen. Joli au demeurant. Alors, c'est pas non plus dingue, quoi. Franck, mon poteau qui est avec nous au standard au 3916. Comment tu vas, mon pote? Ça va bien, Camille. Je suis ravi de t'entendre. Franck, demain, tu peux avoir la voiture de tes rêves, celle que tu veux, qui vient d'un film ou d'une série. Tu choisis laquelle? Moi, je dirais la Chevrolet dans Transformers. Ah bah ouais, c'est terrible. Ah bah ouais. Et alors il y a une vidéo, il faut la retrouver, on va vous la mettre sur Facebook, ceux qui aiment Transformers. Donc Transformers, c'est les voitures énorme. Qui deviennent des robots et des robots qui deviennent des voitures. Et il y a un garage aux États-Unis qui le fait. Non, mais comment? Bah, ça coûte des milliers et des milliers de dollars, mais votre voiture devient vraiment une voiture Transformers. De fou. Elle se transforme, elle roule, hein. Et elle se transforme, Clément. Il y a aussi, c'est moins cher, des mecs qui le font sur Internet, c'est qu'ils mettent des costumes en carton et qui se plient. C'est très drôle aussi. Ils roulent pas. Ils roulent pas. Mais non. Manon, ce serait quoi, toi, ma chérie? Sois la bienvenue au 3916. Alors, moi, ça serait la Mini Cooper de Mr. Bean, tu sais, avec le drapeau anglais et le siège sur le toit. Je trouve que pour arriver en soirée, ce serait trop la grande classe. Ouais. Elle est là-bas aussi, en vrai. Ben mais vous imaginez, elle a pas de super pouvoir. Non mais elle est drôle. Elle est drôle. Elle est drôle. Elle est drôle, mais c'est juste la Mini Cooper, qu'elle soit avec Mr Bean ou pas. Les amis, je pense que vous passez à côté de l'évidence. Bah, c'est quoi? Mais non, mais je crois que vous vous rendez plus compte des choses. Hein. C'est quoi l'évidence? évidemment. Ah, non, ah, les amis, on a quand même une voiture qui permet de voyager dans le temps. C'est vrai. Vous partez en 1960, vous pouvez être avec Laure le jour de ses 20 ans. Oh, mais c'est un truc de dingue. Vous imaginez? Mais c'est un truc de fou. C'est la plus belle. Mais les amis, la DeLorean volante, on peut voyager dans le temps. Et vous me parlez de la Cooper de Mr Bean, ma petite Manon. C'est pas possible. Oh là là, Manon, je t'embrasse très très fort, ma belle. Merci d'être avec nous. Restez là sur Virgin. Imani, il veut se foutre à poil. Il take off your clothes. Il va arriver dans un instant. Ça, c'est pour le pop rock électro, bien sûr. Enfin, point sur l'actu, comme tous les jours à 7h30. Juste après, attention, le réponse à tout cas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, profitez du ciel bleu aujourd'hui si vous en avez un petit peu entre deux nuages car ça ne va pas durer, la pluie va se renforcer au fil de la journée pour envahir tout le pays ce samedi, retour des éclaircies dimanche, 22 degrés en moyenne pour cet après-midi. De la pluie et du vent, c'est justement ce qui menace les îles sous le vent aujourd'hui dans les Caraïbes. La tempête tropicale Matthew s'est transformée en ouragan de niveau 1 sur 5 hier en quittant la Martinique. Matthew fait route actuellement vers Haïti et la République Dominicaine. Une centaine de dirigeants du monde entier se réunissent à Jérusalem. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont sur place. Israël va dire adieu aujourd'hui à Shimon Peres, l'un de ses pères fondateurs, décédé mercredi à 93 ans. Le lauréat du prix Nobel de la paix 94 va être inhumé dans le cimetière du Mont Herzl. Jérusalem est placée sous protection maximale avec 8000 policiers déployés, d'autant que ses obsèques coïncident avec le début des congés des grandes fêtes juives. Un mort et 114 blessés, dernier bilan de l'accident de train survenu hier après-midi en pleine heure de pointe dans une gare du New Jersey près de New York. Le train n'a pas ralenti, il a sauté les butoirs de fin de voie avant de traverser un hall et de s'encastrer dans un mur. Une partie du plafond en verrière s'est effondrée. Les enquêteurs devraient rester une dizaine de jours sur place. Le conducteur est blessé mais il collabore à l'enquête. Et puis la reprise de Mossoul qui est engagée. L'offensive de la coalition internationale sur le fief de l'État islamique en Irak a tout juste débuté. Les rafales du Charles de Gaulle viennent d'entrer en action. 8 avions de chasse français ont décollé il y a maintenant à peine une demi-heure. L'ouverture du mondial de l'auto demain à Paris, porte de Versailles. Camille vous en parlait à l'instant. Les SUV, autrement appelés crossover, sont l'une des tendances du salon, mais pas seulement. Les voitures électriques ont décidé de frapper un grand coup cette année, avec une autonomie nettement améliorée, jusqu'à 300 km par exemple pour la Renault Zoé. Les sons de ce crash pour mourir et le drame se noue à plus de 720 millions de kilomètres de la Terre. La sonde européenne Rosetta est en route pour s'écraser sur la comète Chury. L'impact est prévu aux alentours de 13h. La fin d'une odyssée spatiale de plus de 12 ans pour tenter de percer les mystères de la formation du système solaire. Lady Gaga sera la star du prochain Super Bowl. La diva de la pop assurera le concert de la mi-temps lors de la finale du championnat de foot américain le 5 février à Houston. L'actu foot chez nous, c'est le coup d'envoi ce soir de la 8e journée de Ligue 1. Rennes-Guingamp à 20h45. Et puis du basket aussi, l'ouverture de la deuxième journée du championnat de France Pro A, Antibes hier Toulon, ce soir à 20h30. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic, très bon réveil. Excellente matinée à vous tous, 7h34, c'est le Virgin Tonic, bien sûr à vos côtés comme chaque matin, avec Laure. Salut toi. Salut. Et comment tu vas? Ça va pas mal, avec bien sûr notre Pauline du Standard. Et oui, coucou. Coucou à toi. 39-16 les amis, puisque dans notre nouveau studio qu'on inaugure avec vous, hein, bien sûr ce matin, on a gardé le même numéro de standard, c'est important, oui. 39-16. Vous tombez sur notre pôle de standardiste. Ah ouais. Hein. Et je voudrais vous remercier parce que c'est vrai que vous êtes tellement nombreux à nous appeler le matin, tellement nombreux de nous avoir rejoints, que maintenant on a un pôle, mais alors dans ce nouveau studio, on a un pôle de standardisme, mais je pense que même Covid-10, ouais, ils n'ont pas ça pour se faire des frais le matin. Les gars, ils ont même des casques avec, vous savez, le truc là, ouais, vraiment l'antenne, on dirait qu'ils sont en train de faire décoller un Boeing, c'est incroyable. Ouais, ils sont suréquipés et ils vous attendent bien sûr tous les matins. N'hésitez pas, et puis bien sûr, attention, hein, Pauline reste la chef du standard. Ouais. Ah, attention, elle, fait j'aime bien, là. Elle fait sa petite peau au standard. Hein. C'est elle qui vous décroche aussi, bien sûr, Clément. On dirait qu'ils sont étrangers parce qu'il y a une vitre et il nous calcule pas du tout. On est en train de parler à 3 mètres de l'eau et il nous calcule pas. On dirait qu'il nous parle pas français. On dirait des douaniers. On prend la photo, on arrive à l'aéroport, on fait bonjour. T'as rien à te reprocher, t'as cherché de rien, mais t'as l'impression, on va dire, ah ben non, monsieur, vous pouvez pas entrer, vous pouvez pas quitter le territoire. Mais plus souriant quand même. Ah, j'ai rien dit. Les amis, n'hésitez pas à nous appeler. PS4 avec le jeu FIFA. Voilà ce qu'on va vous offrir. Et le jeu, il sera bien. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va vous trouver un bon jeu. Rassurez-vous. Et pour le moment, bien sûr, c'est la réponse à tout, Clément Lacru. Réponse à tout. Courage à vous tous qui êtes peut-être déjà en voiture et puis prudence surtout, Clément. Et la question que j'ai posée aux enfants ce matin, c'est quand la dernière fois et c'est pourquoi que tu as fait semblant de pleurer? C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré pour de faux? C'était sur le canapé à la maison pour que Rose me fasse un câlin, c'est ma petite sœur. En fait, j'ai fait ouais, j'ai mal. Et Rose, elle fait tout le temps des câlins, elle fait un bisou, on a mal. Bien joué. Et toi, la dernière fois que t'as pleuré pour de faux, c'était quand? J'étais à la maison et j'ai fait semblant de pleurer pour qu'on s'occupe de moi. Et comment vous faites pour faire semblant de pleurer? Il y a des larmes ou pas quand on fait semblant? Bah non. Moi, parfois, il y a des larmes, mais souvent, il n'y en a pas. Comment on peut faire pour avoir des fausses larmes? Moi, souvent, je mets de l'eau au bord de mes yeux pour faire semblant d'avoir des larmes. Moi, je connais une seule technique, c'est la seule pour faire pleurer, c'est éplucher des poireaux. Ça fait pleurer d'éplucher des poireaux? Non, mais ça me fait pleurer de les manger. Les amis, il faut absolument que vous restiez avec nous. Merci à tous les enfants qui jouent le jeu chaque matin, puisque dans un instant, ça y est, on a trouvé un jeu. Ce sera le jeu du nouveau grand studio dans lequel on peut faire venir un orchestre philharmonique. Oh là là. On a plein de place. On va faire des jeux complètement dingues dorénavant le matin. Restez avec nous. Inscrivez-vous au 3916. Le temps d'écouter Imani, Don't Be So Shy. Excellent réveil. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. My heart just raced so much faster. I dumped myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he's so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Merci d'être là avec nous, les amis. 8h20, on est en direct comme chaque matin. C'est le Virgin Tonic. Bienvenue à tous. Avant d'écouter The Stramblers dans un instant dans le Virgin Tonic, restez bien avec nous. Vous qui ouvrez les yeux, vous êtes peut-être déjà en voiture. on va jouer. Jouer avec vous pour repartir avec la PS4. Ouais. Avec le jeu FIFA 12. Non, 17. Les gars qui ont plus d'argent, ils ont plus le jeu qu'à 5 ans. Quoi. Ah ouais, on pourrait jouer avec Reynaldo Pedros, bien sûr. Vous allez vous éclater, les gars. Patrice Loco, bien sûr, attaquant du PSG. Oui, Paulino Standard. Il paraît qu'il y a plusieurs vendeurs qui se sont fait littéralement agresser parce qu'ils n'avaient plus le jeu. Par des mecs complètement fous. D'ailleurs, on remercie nos amis de FIFA qui nous offrent le jeu tous les jours, qui nous permettent de vous l'offrir. Parce que c'est vrai que c'est un casse absolu. Quoi. Ah ouais. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de ça pour que le jeu fonctionne. Quoi. Non. Il marche quand même assez bien. Mais pour le gagner ce matin, on est très heureux parce qu'on inaugure un nouveau studio, vous le savez. Voilà, depuis ce matin, et on fera une grande pendaison de crémaillère avec vous tous. Vous pourrez tous venir avec nous faire la fête. Et pour cette inauguration, on a décidé d'occuper l'espace. Ah, ça n'a jamais eu un studio aussi grand de notre vie. Et c'est donc l'occasion d'accueillir un orchestre philharmonique. Merci de partir le jingle, le jeu du nouveau grand studio dans lequel on peut faire venir un orchestre philharmonique. C'est le jeu. C'est le jeu du nouveau grand studio dans lequel on peut faire venir un orchestre philharmonique. C'est génial. On a de la place. On va en profiter. Et oui les amis, on est très très très heureux. Pour fêter tout ça, on accueille un grand orchestre philharmonique, violon, cuivre, piano à queue, piano sans queue, qui vont reprendre les titres de la playlist de Virgin Radio. Oh là là, je suis content parce que ils seront dirigés. Je sais pas si vous aimez la musique classique, l'équipe, ouais, vous m'écoutez. Sûr. Mais par quelqu'un de formidable, c'est le grand Frédéric Schweinsteiger, c'est ça? On reste dans le domaine de FIFA. Hein. Guten Tag à tous, je suis très heureux d'inaugurer ce Wunderbar Studio avec vous ce matin. Qui n'est pas sans me rappeler le grand opéra de Fuffenheim. Sans les dorures, peut-être. Peut-être. Oh là là là là, je suis content, Frédéric, que vous soyez là. Je vais vous présenter notre auditrice du jour. C'est Muriel qui va jouer avec vous pour repartir peut-être avec la PS4. Bonjour Muriel. Oui, coucou Camille. Ça coucou va, Fredo, coucou toute l'équipe. Salut. Oui, super, contente d'être avec vous. Camille, excuse-moi. Excuse-moi ma chérie, t'as dit bonjour à qui? À Fredo. À Fredo, parce que j'ai entendu qu'il était là pour inaugurer. Non mais c'est génial. C'est trop mignon. Expliquer. Fredo, c'est quand même le patron de Virgin Radio, c'est devenu un gars de l'équipe quoi. C'est ça. Salut Fredo, salut ma gueule. Putain, il est gentil comme tout, il vient là pour l'inauguration, c'est lui qui fait les chèques pour le loyer. Ouais. Mais maintenant on lui dit bonjour, j'ai comme sur... Genre c'est un co-anime quoi. Salut Camille, salut Laure, salut Fredo. Petit cool là Fredo. Excusez-moi l'équipe, c'est trop demandé, je peux avoir une photo dédicacée de Fredo? L'équipe, c'est juste pour savoir si Fredo viendra bientôt dans ma ville. Je vous jure. Les amis, on y va. Alors, je te rappelle, par un orchestre philharmonique. Pardon, Camille, je t'embête 2 secondes, excuse-moi. Je pensais jouer pour le pack Brossard, s'il te plaît. Comme tu me parles de la PS4. Ah ouais, j'ai une PS4 avec un jeu FIFA que je t'offre là. Ah mais tu confonds avec le World Tour de Fredo. C'est quand Fredo fait le Tour de France. Bah tu sais quoi ma chérie, je trouve que c'est un beau cadeau. Mais s'il te plaît pas, tu t'arrangeras avec ton petit chéri Fredo. Puisque c'est lui qui s'occupe des cadeaux, d'accord? Bon ben ça va. Alors attention Frédéric. Ya. Yeah. Vous allez peut-être permettre à Muriel de repartir avec un cadeau qu'elle ne veut pas, mais qu'elle aura quand même. Mais c'est un très beau cadeau. Donc vous reprenez de façon philharmonique 3 morceaux. Yeah. D'accord, de Virgin Radio, on vous écoute. C'est bardi. Le premier. Was ist ich bin Flück, ich bin ein Franzose. Ich bin ein Franzose, ich bin ein Franzose. Nach dem Luftballon, ich bin ein Franzose. Ich bin ein Franzose, ich bin ein Franzose. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est incroyable, c'est tous beau, ces cuivres et tout, on peut avoir une orchestre incroyable. C'est vrai que vous applaudissiez au premier violon Piotrov Venkovic. Bon, là, là, deuxième violon Piotr Begovic. D'accord. Thomas Birkenstock. Ils sont 43. Violon. Quatrième violon Robin Pernod, bien sûr. On va pas tous se les faire, évidemment. Oh là là, c'est incroyable de faire rentrer un si grand orchestre dans un studio radio. C'est fou, hein. Est-ce que tu as reconnu Muriel? Alors, je pense avoir reconnu, surtout que j'adore cette chanson, que c'est Macon. Et c'est une bonne réponse, ma chérie, bravo. Ich bin ein Franzose. Ich bin ein Franzose. Très bien, on y va, deuxième extrait, c'est parti, Muriel vous écoute. Ich bin in Freien, ich bin Bayern de Munich. Sprechen die Französisch, das ist mein Pierre Lafront, Otto. Ja, ja, ja. Vous êtes toujours un peu véhément les cuivres hein, sur la fin. Hein, c'est... c'est toujours un peu... Bam. Impressionnant. Je sais pas si l'accent me fait plus rire que le mauvais aimant. C'est le mélange des deux, c'est. Ouais, c'est les deux, c'est les deux. Alors, Mamu, est-ce que tu as reconnu cet extrait? Ah, ils sont trop forts, hein. Je pense que c'est. Martin Solveig. Oh là là, t'es fort, ma chérie, bravo. Ah c'était Martin Solveig, ça fait deux bonnes réponses, c'est gagné, bravo. Oh bravo ma belle, on va te passer Fredo en antenne si tu veux changer ton cadeau. Ah, ben oui. Mais il est magnifique, PS4 avec le jeu FIFA 17. Je t'embrasse très très fort, Bamumu. Merci de te réveiller avec nous comme vous tous. Et elle a raison Muriel, on a aussi les packs Brossard avec l'iPhone 7 à l'intérieur. On en a, ça a été perdu à 6 ans, on en a 4 à vous offrir ce matin. Rendez-vous compte avant 9h, avant la fin de l'émission. 4 iPhone 7 à gagner. Les copains, bonne chance à tous. Pour le moment, c'est The Strombellas sur Virgin Radio. Bon réveil. Bonjour tout le monde, nous sommes The Strombellas on Virgin Tonic. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Les amis, bienvenue sur Virgin Radio. Du bon son comme ça, il n'y a que chez nous que vous en entendez. The Chainsmokers, Don't Let Me Down. Voilà ce qui va arriver pour vous aider à ouvrir les yeux. Je vous souhaite encore un bon vendredi. Vous qui êtes en voiture, vous qui êtes encore à la maison, on va prendre soin de vous. 8h20, déjà un troisième loyer à gagner. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Et restez avec nous là, puisque dans quelques minutes à peine, toute l'équipe, c'est le grand retour du conseil de Koh-Lanta. Ah ouais. Mauvais aventurier, le plus mauvais chroniqueur de la semaine. Vous allez voter, c'est vous l'équipe qui allez éliminer l'un d'entre vous qui aura un gage jusqu'à la fin de l'émission. Restez avec nous, bon réveil, c'est le Virgin Tonic à vos côtés chaque matin. Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Virgin Tonic. Bah, pourquoi tu cries? Tu viens d'apprendre que maman venait ce week-end. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un bic 3 lames, ça rase super bien. Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Eh bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher!

Le conseil de Koh-Lanta. Le principe est très simple. Toutes les membres de cette équipe, Ginger, des réseaux sociaux, Pauline, oui. Oui. Clément, bonjour. Laure et Nico, oui. ont un conseil de classe, ont un conseil de Koh-Lanta. Ils votent les uns contre les autres. À la fin, il y aura un éliminé. Et celui-ci aura un gage jusqu'à la fin de l'émission. La semaine dernière, c'est Nico du bureau qui a dû nous laisser son Twitter. Et on a chacun eu droit à passer un message. Ouais. Il n'a pas dû effacer. Oh là là, je vous remercie. On a tous un message sur son Twitter. C'est Nico du bureau qui a été éliminé. Et une nouvelle fois, ça peut encore être Nico du bureau. Non, ça va. On inaugure notre nouveau studio. Allez voir les images, puisque là maintenant, ils ont tous un flambeau, ils ont tous un foulard. Parce que cette semaine encore sur l'île Lagardère, l'équipe du Virgin Tonic a perdu l'épreuve d'immunité, mais aussi celle du confort. Lequel de ces aventuriers, ou plutôt bracassés, va être ramené à la dure réalité de la vie. Chacun votre tour, vous allez voter, en votre âme et conscience, contre une personne, et expliquer votre choix. Je rappelle que tous les noms sont écrits sur l'ardoise déjà, pour qu'en fonction de qui vote, on ne change pas les votes, c'est important. Bien sûr. On va commencer avec le vote de Clément, le gourmand de l'équipe. Aventurier dans l'âme, mais seulement dans l'âme. Doté d'un flair redoutable, il est capable de renifler une pépite de chocolat à plus de 900 mètres. C'est vrai. Clément, j'aimerais savoir où va votre vote et pour quelle raison. Alors tout d'abord, sachez que je ne savais pas si on a le droit, j'ai failli voter pour moi cette semaine parce que j'étais un peu malade et du coup moins agréable que les autres semaines, j'ai failli le faire. Mais comme je me suis dit on n'a pas le droit et puis parce que j'ai pas envie d'avoir un gage, mon choix, désolé, va vers Pauline. Cette semaine. D'accord, vous tenez la pancarte à l'envers. Exactement. Je me dis, c'était un peu malade cette semaine. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que hier, elle n'a attendu personne pour aller à la cantine. Elle a pris avant, alors que normalement, on est une bande, on est une équipe. Elle n'a pas beaucoup aidé pour le déménagement dans ce nouveau studio. Et puis, la raison qui me paraît évidente, le pantalon du jour. Le pantalon du jour, si vous nous rejoignez, un legging brillant, horrible, taille haute, qui a d'ailleurs été offert à l'un d'entre vous, 39. Francky. Je vais maintenant me tourner vers Laure. Laure, maman d'une adolescente, cette louve protectrice, c'est aussi sortir les crocs pour protéger sa tribu, quitte à parfois même subtiliser le butin de sa propre équipe. Ouais. Laure, aventurière au grand cœur, Laure, pour qui avez-vous voté cette semaine ? Eh bien, j'ai voté contre Pauline. Pauline. Oh ! Mais il y a une alliance ? Oui. Pas du tout. Bah si, tu m'as demandé de voter contre elle. Je rappelle que tous les votes sont maintenant validés, ils n'ont plus le droit de les changer, mais en tout cas, des alliances ont pu se faire, ils ont pu se rapprocher, et l'un d'entre vous devra donc faire finir cette émission avec un gage. Excusez-moi. Oui, Laure. En plus, elle m'a volé ma pince à épiler. Oh, je suis écœurée. Ah, bah oui, bah sur une île, je peux dire qu'on en a bien besoin. De France. Je vais me tourner vers Nico du bureau. Nico du bureau, le farceur incompris de l'équipe, ce papa presque quadra, aime chasser comme à l'âge de pierre et sera, quoi qu'il arrive, un véritable atout dans les épreuves de confort. Nico du bureau, pour qui avez-vous voté cette semaine ? Je vais aller très très vite. Elle a eu un collier d'immunité que je lui ai donné pendant plusieurs semaines. Je vais voter pour Laure. Parce qu'elle a été plutôt sympa et au final, cette semaine, elle n'a pas aidé pour le déménagement. Elle était très très remontante. Pour l'instant, deux voix contre Pauline. Une voix contre Laure. Voix contre Pauline. Une voix contre Laure. Je vais maintenant me tourner vers Ginger. Ginger, mi-femme, mi-iPhone. Elle ne sera jamais à court de batterie pour écraser ses concurrents. Et parfois même ses propres coéquipiers. Ginger, oui. Pour quelle aventure y avez-vous voté cette semaine ? Je vote contre Pauline. Je suis écœurée. Je vote contre Pauline parce que j'essaye de tenter des choses vestimentairement parlant et elle se moque assez souvent de moi et vu ce qu'elle porte aujourd'hui, je ne comprends pas le délire en fait. Vous l'avez compris, ce vote est déjà décisif. Trois voix contre Pauline. Pauline, ouais. La naufragée du standard, adepte de la plongée sous-marine et des soirées arrosées. Pauline, vous aimez le venin de serpent, utile pour soulager les piqûres des autres aventuriers, ça va vous servir. Pauline, je vous demande de me rejoindre. Bah ouais. Allez chercher votre flambeau. Je vote même pas. Le conseil a voté et leur sentence est irrévocable. Vous aviez voté pour qui, Pauline ? J'avais voté contre Laure parce qu'elle m'a offert une jupe taille, 30, taille 40. C'était très vexant. Parce que vous faites un 42 ? Non, parce que j'ai perdu du poids, elle le vit mal. Voilà. Et Ginger, je lui prête pas mon appartement ce week-end. Voilà. Eh ben bon ! Les langues se délient. J'adore ça. Pauline, ouais. Vous êtes éliminée, venez. Allez. Je vais éteindre votre flambeau qui n'est pas allumé, mais le geste est important pour moi parce que j'ai ma passion, c'est d'imiter Denis Brogniart. Il faut le capuchon pour l'éteindre. Eh bon, on l'a plus, on l'a là. Hop, attention, hop là. On l'a plus. Eh bien, sachez, Pauline, que pendant tout le reste de l'émission, je cherche un gage. Vous allez faire tout le reste de l'émission avec une brosse à dents dans la bouche. C'est gentil. Mais vous devrez parler, tout ça, on va vous mettre une brosse à dents dans la bouche et vous finirez toute l'émission avec une brosse à dents. Électrique ? Manuel. Manuel, très bien. Ça vous ira ? Non, pas du tout. Merci. Une nouvelle fois, c'est donc Pauline. Non, c'est la première fois qu'elle est éliminée. Oui. Ouais, c'est la première fois. Laure, elle n'a pas encore été éliminée une seule fois ? Jamais. Moi, mais si. Ah si, ah oui, ça me rassure. Les amis, 8h01, restez avec nous. Merci de nous suivre. Plus nombreux chaque matin sur Virgin Radio entre 6h et 9h. On va revenir avec The Chainsmokers et puis surtout avec vous, 3916 pour nous joindre. N'hésitez surtout pas. On revient, bougez pas. Le poids sur la queue, on est là. Your radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un temps mitigé aujourd'hui avec des averses attendues de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est, des nuages plus au nord, du soleil sur le sud, 22 degrés en moyenne cet après-midi, de la pluie et des orages pour demain et de belles éclaircies pour dimanche. Dans les Caraïbes, la tempête Matthew est devenue un ouragan. Il a quitté la Martinique et file actuellement vers Haïti, la République Dominicaine et les îles sous le vent. Le Venezuela et la Colombie sont invités à surveiller l'évolution de la perturbation pour leur zone côtière. La France est engagée dans la bataille de Mossoul en Irak. La deuxième ville irakienne est aux mains des djihadistes et la coalition internationale a décidé de la libérer. Les rafales de l'armée française sont entrées en action ce matin. 8 avions de chasse ont décollé vers 7h du Charles de Gaulle déployé actuellement en Méditerranée orientale. La nature de leur mission n'est pas connue. Bombardement ou reconnaissance. La mission du porte-avions est prévue jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le Monde dit adieu à Shimon Peres. L'ancien président israélien décédé à 93 ans va être inhumé aujourd'hui au Mont Herzl de Jérusalem. Une centaine de dirigeants de la planète vont y assister, comme François Hollande et Nicolas Sarkozy. Les deux responsables politiques français ont d'ailleurs voyagé ensemble dans le même avion qui s'est posé hier soir à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Des funérailles auxquelles prendront part le président américain Barack Obama et Bill Clinton, mais également le président palestinien Mahmoud Abbas. Aux États-Unis, défaillance technique ou erreur humaine, toutes les pistes restent envisagées après l'accident de train survenu hier dans une gare très fréquentée du New Jersey. Le train est entré en gare sans ralentir, à environ 50 km/h, il a sauté les butoirs de bout de voie avant de s'écraser contre un mur. Au moins un mort et 114 blessés. Le conducteur du train est sorti de l'hôpital. Il participe à l'enquête. J-1 pour le mondial de l'automobile, porte de Versailles à Paris. Les tendances du marché cette année, les crossovers et les voitures électriques. Côté français, Renault a frappé fort en annonçant que la Zoé serait désormais dotée d'une autonomie d'environ 300 km en conditions réelles. 35% des Français se disent prêts aujourd'hui à opter pour une voiture électrique. Le mondial de l'auto, c'est jusqu'au 16 octobre. J'y serai tout à l'heure, je vous mettrai quelques photos sur Twitter. En foot, match nul de Saint-Etienne, un but partout face à Anderlecht, hier dans la deuxième journée de l'Europa League. Nice a sombré 5-2 en Russie contre Krasnodar. Aujourd'hui, place à la 8e journée de Ligue 1 avec Rennes-Guingamp ce soir à 20h45. Nice, le leader, recevra Lorient dimanche après-midi. Paris jouera dès demain face à Bordeaux, le PSG qui va pouvoir faire revenir les ultras au Parc des Princes. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Bon réveil. Tous, merci si vous nous rejoignez. On est en direct de notre tout nouveau studio à 8h04. On pense très fort à vous qui êtes en train d'accompagner vos enfants à l'école, nombreux, nombreuses, je le sais, d'être en train de partir au travail aussi, ou tout juste en train d'ouvrir les yeux. Dans ce tout nouveau studio, il y a fort heureusement la même équipe, bien sûr. Oui. Il y a Clément Lincrus qui est là. Il y a ma petite Laure qui est là. Salut. Il y a Pauline du Standard aussi. Coucou. Ça va ? Bah, c'est pas trop pratique. Hein. C'est pas pratique. Alors, si vous étiez, vous rejoignez tout juste, Pauline, toute la bande a voté contre elle quasiment. C'est dégueulasse. C'est elle qui a perdu le conseil de Koh-Lanta. Et donc, elle doit passer tout le reste de l'émission avec une brosse à dents dans la bouche. Mais comme vraiment, j'ai une équipe de génie, évidemment, ils avaient prévu un gage sans la brosse à dents. Donc, elle a une baguette à cheveux. Bah, non, ça implique où il y avait des fruits. Mais du coup, il n'y a plus de fruits. Mais c'est pas très pratique parce que je bave en plus, même. Ah là là, on a l'équipe qu'on mérite. Ah, oui. 8h05, les amis, et surtout vous restez bien avec nous parce qu'on a quand même 4 iPhones à vous offrir dans l'heure là. Avant 9h, 4 iPhones grâce aux 20 ans de Brossard, grâce à Brossard voilà, qui a décidé de vous offrir des packs Brossard tous les matins. On est très heureux, voilà, ils sont vraiment ceux qui nous ont dit c'est cool, allez, on vous offre ça. Il y a en plus un séjour tout frais payé à Paris. Ouais. Il y a aussi des brownies à volonté. Ouais. Ce n'est pas rien, Clément. Ouais, c'est ma passion. Clément, il a gardé l'écharpe, vous savez, on met des écharpes jaunes ou rouges de Koh-Lanta. Ouais. Clément, il a gardé la sienne, mais il l'a mis comme un auteur de roman, quoi. En dandy. Ouais. Ok. Donc, bon, les amis, en tous les cas, on est très heureux d'être là, vraiment. Les Chainsmokers qui arrivent pour le pop rock électro, mais tout de suite, c'est la question de ouf avec Lord Clément qui va vous expliquer ça. Question de ouf. Question de ouf, c'est très simple, j'en parlais dans mon dernier roman sur la fondeur, selon lequel vous laissez vos messages. Et la question du jour, c'est tout simplement quelle est la meilleure technique pour arrêter de fumer? Parce que selon une étude que j'ai faite tout seul justement, eh bien le 30 septembre, souvent on a envie d'arrêter de fumer. Lorsque j'avais envie de fumer, je mangeais des Tic Tac. Alors non, n'allez pas manger Tic et Tac de chez Monsieur la Petite Souris aux Grandes Oreilles. N'empêche, j'ai pris 13 kilos, mais je ne fume plus depuis 3 ans. Alors pour essayer d'arrêter de fumer, j'ai déjà installé un piège à souris sur mon paquet de cigarettes. Et je peux vous dire que ça fait mal. Bah, je taxe 20 clopes par jour à mes collègues, bah, comme ça au bout de 3 jours, bah, plus personne m'en donne. Alors tu mets des épices tout autour du filtre et dès que tu ouvres ton paquet, bah, je peux te dire que l'odeur d'épices, ça te dégoûte totalement de la cigarette. Dès que tu prends une cigarette, tu t'obliges à envoyer un message sympa à ta belle-mère. Comme ça, après, tu n'auras plus du tout envie de fumer parce que tu sais que tu devras envoyer ce petit message mignon auquel tu n'as pas du tout envie. Eh ben, je me suis mise à lire le super livre « Arrêtez de fumer pour les nuls ». Résultat, bah, je fume encore plus. C'est bah, de fumer pendant qu'on a la grippe. Bah, j'ai essayé il y a 6 mois et j'ai plus fumé depuis. Et puis, enfin, si vous voulez des astuces pour avoir la grippe aussi, journée. Question de ouf. Merci à vous tous de réagir chaque matin. Oui, Pauline. Sinon, vous pouvez aller habiter dans un pays très très chaud, hein, comme la Thaïlande, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, dans l'air. Tu respires mal. Bien sûr. T'as moins tendance à fumer. Merci. Oui. Pauline, si vous avez compris quelque chose, je rappelle, elle passe toute l'émission avec une brosse à dents dans la bouche. C'est son gage. 8h07, les copains, restez avec nous. The Chainsmokers. Et puis plein de choses qui arrivent dans l'émission, surtout un loyer à vous offrir une nouvelle fois. Déjà, troisième tirage au sort à 8h20. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Hey guys, we are the Chainsmokers on Virgin Tonic. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. Don't let me down. Don't let me down. à vous tous, 8h10. On est dans le Virgin Tonic. Soyez les bienvenus. On est très heureux d'être là avec vous chaque matin. C'est vendredi, le 30 septembre. Beaucoup de courage à vous. Je sais que c'est pas simple le vendredi. Il y a toute la semaine dans les jambes. Nous, en tout cas, on est très heureux de se réveiller à vos côtés pour ce week-end. Dites-vous tous les plaisirs que vous allez faire. Vous verrez la journée. Elle passera très, très vite. Et nous, on est là avec Pauline. Oui. Donc, toujours la brosse à dents. Eh ben, écoute, moi, on me dit un truc, je le fais. Brosse à dents dans la bouche jusqu'à la fin de l'émission, les amis. C'est le gage qu'a Pauline. Il y a Clément, il y a Laure. Bonjour. Salut. Tout le monde va bien. Et alors, on a déménagé. Ça y est, hein, vous le savez, on en parle depuis le début de l'émission. On fait toute l'émission dans notre nouveau studio. Il est chouette. Oh, il est génial. Et vous savez, alors c'est l'inauguration, c'était ce matin, mais la pendaison de crémaillère, la grande fête pour l'inaugurer officiellement avec un grand artiste qui va prendre le nom de ce studio. Forcément, comme ça se fait souvent en radio. Eh bien, sachez que ce sera avec vous en public, bien sûr. Oui. Vous pourrez être avec nous. On fait pas de fête sans vous, hein, les amis. Pauline. Mais moi, il y a toujours un truc que je fais quand je m'installe quelque part. Je vérifie la lumière. Et en fait, là, c'est pas exactement la lumière du jour. Du coup, j'ai parlé au patron, voir si on pouvait pas mettre des petites lampes lumière du jour. Alors, c'est vrai que, comme le disait Laure, il n'y a pas de vis-à-vis, mais c'est parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Ah, bah c'est ça. Mais non, mais c'est bon. On est franchement, on est pas plein. Il est super bien. Il est super mais beau. C'est vrai que, voilà, pas de lumière du jour. Ok. Premier truc que vous vérifiez, tiens, quand vous prenez un nouvel appart, c'est quoi, Clément ? Moi, c'est le sens du lit. Tu vois, il faut jamais dormir la tête au sud. Du coup, j'oriente le lit dans le meilleur truc. Et tête au nord, elle t'offrira son corps. Oh. Tu connais pas le proverbe ? Non, non, mais les femmes non plus le connaissent pas. Parce que je dors à l'ouest, c'est pour ça. Le lit à l'ouest, elle demande de pas son reste. Elle s'en va très vite. Alors, le premier truc que tu fais quand tu prends un nouvel appart ou comme ici, un nouveau studio. Moi, je viens de m'installer dans un nouvel appart. En plus du nouveau studio, en fait, moi, je prends des mesures de tout. Je prends des mesures de tous les murs pour savoir qu'est-ce qui va où, comment je vais agencer le truc. En plus, là, on a un peu fait la déco, donc j'ai dû le faire ici aussi. Juste là, on a un peu pris des mesures entre nous. Mais oui, non, mais du studio. Bien évidemment. Mais bien sûr. J'ai toujours mon maître avec moi. Si tu as besoin que je mesure quelque chose, n'hésite pas. C'est grave. Mais vous avez les idées mal tournées, c'est pas vrai. Mais quelle est bête. Oui, Clément. Non, mais cette phrase était très bizarre. J'ai toujours mon maître avec moi. Ça faisait soirée un petit peu. C'est clair. C'est voilà. Bizarre. On est ouais, maître. Moi, vous y avez pas pensé. Quoi ? C'est quoi ? Moi, j'ai un truc. Je vous donne une astuce vraiment parce que ça, après, on est piégé. Et ça se rectifie pas. Quoi ? Pression quoi de l'eau. Ah oui, c'est clair. Pression de l'eau. Ah ouais. Les amis, vous changez d'appartement, c'est la première chose à faire, croyez-moi. T'as raison. Pression de l'eau, parce que ça, une fois qu'il n'y a pas de pression, ça, quand t'es sous la douche là et qu'il n'y a pas de pression, c'est quand vous allez chez des amis, ouais, l'été ou quoi, il n'y a pas de pression et tu te dis, mais c'est pas possible. Ah. Et ça, vous pouvez plus rien faire, c'est fini, il n'y a rien à refaire, Laure. Mais t'as raison, c'est que c'était la grosse galère dans mon nouvel appart. Aucune pression dans aucun robinet. Et tu peux plus rien faire après. Bah, tu peux pas te laver déjà, c'est hyper pas pratique. Mais non, ça fait attention, pensez-y, ouais, petite astuce. Ouais. Clément. J'avais un appart comme ça qui galérait et à chaque fois que je faisais couler un bain, j'oubliais que je l'avais fait couler tellement c'était long. Mmh. En fait, je regardais la télé, je faisais autre chose et ça débordait à chaque fois parce qu'il fallait 40 minutes. C'est pas bon. Ouais. C'est terrible. Un autre truc que je fais aussi souvent. Quoi ? C'est quoi ? Isolation. Tu vérifies s'il y a de l'écho. Eh oui. Ça, c'est insupportable. Ça m'est arrivé une fois de vivre dans un appart où il y avait de l'écho. Nico du bureau. On va être honnête. Le premier truc maintenant qu'on fait, c'est regarder s'il y a du réseau. Moi, chaque fois que j'ai changé Non, mais ça, je me fais avoir à chaque fois. Mais oui, mais moi, je change d'opérateur à chaque fois. Et moi, je pense pas à regarder. Mais faites-le. C'est très, très bonne astuce de Nico. Pensez à regarder si vous captez la 3G, la 4G ou quoi chez vous. Allez. C'est un enfer quand ça arrive. C'est un enfer. Moi, ça capte pas chez moi. Et oui, mais moi, je pense jamais à vérifier. Tiens, on a Paolo qui est au téléphone. On va lui demander est-ce que t'as déménagé récemment ou pas, mon Paolo ? Salut ! Ben ouais, écoute, salut à toute l'équipe, ça va ? Salut ! Et toi, Paolo, comment tu vas ? Bah écoute, plutôt sur l'arrivée, petit déménagement de fait, du coup, je viens un petit peu pour savoir, tu vois. Moi, ce que je fais habituellement, c'est que j'arrive, je pose ma machine à café, je me mets sur mon balcon, je fais. Allez, c'est mon nouvel appart. C'est chez moi. C'est le premier truc que tu fais dans ton nouvel appart ? Bah ouais, c'est moi, j'ai un peu des réflexes de George Clooney, moi, je comme ça, je me pose tranquille, réfléchis à rien, le petit café, moi, c'est tout ce qu'il me faut. Ouais, c'est vrai. Bah ça suffit au bonheur, hein. Oui, Clément. C'est vrai qu'on fait ça, en fait, le premier truc, c'est qu'on se pose sur le canapé et on regarde, on fait, ça y est, ouais, c'est vrai. En tout cas, nous, à Paris, on se pose pas sur notre balcon. C'est un peu fait qu'il n'y a pas de balcon. Ah, écoute, qu'est-ce que tu veux, hein. Comme ça, on n'a pas tous les mêmes chances. Ah bah non, mais à Paris, tu peux avoir un balcon si t'es genre ministre. Sinon, c'est pas dans des prix normaux. Hein. Oui, ma petite Pauline, au et standard. Pour nous qui avons des animaux, c'est hyper important. Moi, je regarde si elle se plaît. Je la mets, si elle se plaît pas, comment je fais ? Parce qu'il y a un appart vraiment qu'elle détestait. J'en peux plus, ce truc. Il y a un appart vraiment qu'elle détestait et elle l'a détruit en une après-midi. Enfin, c'est-à-dire, elle a fait ses griffes sur la tapisserie et tout, elle aimait pas

l'appli Virgin Radio. Virgin Radio. Disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Virgin Radio. Est-il fidèle? Envoyez proche PROCHE au 72021 et découvrez s'il est sincère avec vous. Envoyez proche au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel copasse. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Kooms, DJ Snake, LP, Calvin Harris, The Avener, Charlie Puth, Julien Peretta, Jonas Blue, Virgin Tonic, c'est la compilation. Moitié au 73202. Nos experts vous diront si votre couple est fait pour durer. Envoyez moitié, M-O-I-T-I-E, au 73202. 65 centimes plus prix d'un SMS tel copasse. Virgin Radio, hit. La web radio, 100% hit. All the new music I love. This is Virgin Radio. Virgin Radio Hit. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Tout de suite, paye votre loyer sur Virgin Radio. 8h21, j'espère que tout va très très bien pour vous. Les amis, on est là chaque matin à vos côtés. Je suis pas tout seul à payer le loyer. Toute l'équipe est là, bien sûr. Oui. C'est vendredi aujourd'hui, le 30 septembre. Vous savez quel jour on est. C'est pas moi qui vais vous apprendre qu'on est vendredi. Courage en tout cas à vous tous. Je sais que plutôt que de le dire, un moyen tout simple de vous donner du courage, c'est de payer votre loyer toutes les heures. On l'a fait à 6h20. On a eu Laetitia. Ouais. 1250 euros de loyer. Il y a une heure, à 7h20, on a eu Émilie. Oui. 1020 euros de loyer. On a déjà payé pour presque 2300 euros de loyer. C'est en deux tirages au sort à peine. 8h22, le dernier tirage. C'est parti. On y va. On vous rappelle en direct parmi tous les SMS reçus. Loyer au 7, 12, 13. Voilà comment vous inscrire. Bonne chance à tous. Je suis déjà désolé pour tous ceux qui n'auront pas la chance d'être tirés au sort. C'est un tirage par heure. Une personne qu'on rappelle en numéro masqué. Il faut décrocher. Il faut répondre Virgin Radio. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Steve. Steve, comment tu vas, mon pote? Ben, plutôt bien. Tu vas aller encore mieux dans deux secondes. J'ai une question importante pour toi. J'ai un doute, ouais. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Oh, putain, c'est Virgin Radio. Ouais. C'est de la bombe! Ah, je suis très heureux. C'est excellent. Alors, on est parti du côté d'Aix-en-Provence il y a une heure. Je vais te l'envoyer où, le chèque, mon pote? Bah, tu vas me l'envoyer à Strasbourg. Près de Strasbourg. Un village qui s'appelle Mutinous, ouais. Eh ben très bien, ben écoute mon pote, on est beaucoup beaucoup d'auditeurs en Alsace, en Lorraine, dans tout le coin de Strasbourg, vraiment. Eh ben mon Steve, je suis ravi de t'envoyer le chèque. Il sera de c'est combien? Génial. Il sera de 1150 euros. 1150 euros, ça veut dire que ce matin, grâce à toi, on a offert pour 3419 euros de loyer ce matin. C'est géant. Je suis content. Qui c'est qui crie derrière toi? Ouais, c'est mon pote le Vosgien, là on est sur le chantier, et puis on va pas tarder à bosser. Mon pote le Vosgien, t'as dit? Bah ouais, c'est un Vosgien. Et alors, tu bosses dans quoi? Alors, je suis opérateur caméra dans les réseaux d'assainissement. Alors, ouais. C'est pas très glamour, mais on, grosso modo, on passe une caméra dans les égouts pour vérifier l'état et tout. Ah ouais? Alors, pour savoir où ça passe, tout ça et tout? Bah ouais, c'est plus l'état, voir s'il y a des racines, des dépôts, enfin tout le bazar, quoi. D'accord, ok. T'es pas en train de braquer une banque, hein? D'accord, parce que mettre des caméras dans les égouts, savoir ce qui se passe et tout. Dis-moi, si t'es braqueur, y a pas de souci, hein? Moi, je te paye ton loyer aussi, hein? Y a pas de raison, hein? T'embrasses le Vosgien, mon pote, hein? Ouais, ça va, juste un bisou. Oui, Clément. Le Vosgien, ça fait le nom que la police donne aux braqueurs, justement. Donc, c'est le dossier du Vosgien. Mais c'est ça, ça fera un bon fait entrer l'accusé. Le gang des Vosgiens. Si je t'embrasse fort, mon pote. Merci d'être avec nous, les amis. Voilà, c'était le dernier tirage au sort. Merci à vous tous de vous être inscrits. Rassurez-vous, hein. Dès lundi, en direct, on reviendra une nouvelle fois avec trois loyers, 6h20, 7h20 et 8h20. Et tout de suite, c'est le pop rock électro de Nash. I hate you, I love you. Bon réveil. You want her, you need her, and I'll never be hurt. miss you when I can't sleep. Or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a you on you, you wouldn't like that. I put this real out, but you wouldn't bite that. I type a text, but then I never mind that. I got these feelings, but you never mind that. No, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She is the only thing you ever see. How is it you never noticed was slowly killing me? I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Bon réveil à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio. Vous êtes ici chez vous. Entre 6h et 9h chaque matin, c'est le Virgin Tonic. Je vous souhaite surtout une belle, belle matinée à vous tous qui êtes peut-être encore en train de parachuter vos enfants à l'école, qui êtes peut-être déjà sur le chemin du travail. On pense très fort à vous chaque jour. Vous savez que ce soir, il y a un euro million de dingue. Hein. Ouais. Je sais pas s'ils vont en parler dans l'actu, hein, qui arrive comme tous les matins à 8h30 dans quelques secondes à peine. Mais alors, euro million ce soir, et donc ce qu'on fait chaque fois dans le Virgin Tonic pour l'euro million, c'est qu'on va remplir une grille tous ensemble. Cool. Ouais. Vous vous inscrivez là sur le Facebook de l'émission, c'est gratuit bien sûr. On vous passe sur l'antenne et tous ensemble, on va remplir une grille. Ensuite, on mettra la grille sur Facebook et tous ceux qui likent la photo, eh ben, si on gagne, on partage. Génial. Ouais. C'est cool ça. Bien en bas. Ouais. Bon, pour l'instant, je vous cache pas qu'on n'a pas gagné. Ça fait deux ans qu'on fait ça, on n'a pas encore gagné. Ouais, on a gagné 2 euros, je crois, une fois. Ah, c'est pour ce soir. Je le dis, tu le sens, ce sens ouais. Mais les amis, je sais pas que je le sens. C'est pour ce soir. Je le sens, je l'ai là, la grille, on va la remplir ouais. Ensemble. Okay. C'est la gagnante, c'est sûr. Pauline. C'est à chaque fois t'as dit ça. À chaque fois t'as fait le même geste où t'as posé le doigt sur ton nez, genre je le sens. Je le sens, ouais. Alors, c'est différent. D'habitude, je le faisais côté gauche. Regardez bien là, c'est côté droit. Le nouveau studio. Je le sens. C'est le nouveau studio, il va nous porter chance. Si vous nous rejoignez, Pauline a un gage, elle doit faire toute l'émission avec une brosse à dents dans la bouche. Hein. Ne soyez pas surpris. Oui, Laure. Est-ce qu'on changerait pas un petit peu les numéros parce qu'on joue tout le temps les mêmes et on perd à chaque fois? Mais c'est vous qui décidez vos numéros. Et les gens qui passent à l'antenne aussi au 39-16 décident de leur numéro. D'accord. Ah, bah bien sûr, Nico du bureau. Il y a quand même 130 millions d'euros à gagner. Donc en gros, s'il y a 10 000 likes sur la page, ça fait quand même 13 000 euros chacun. C'est 130 millions d'euros. Qu'est-ce que vous faites de 130 millions d'euros? Jean-François au standard, qu'est-ce que tu ferais de 130 millions d'euros? Dis-moi. Salut Camille, salut toute l'équipe. Bah écoute, je pense que je rachète le Virgin Tonic et je pars avec vous en vacances. Je te cache pas qu'avec 130 millions d'euros, t'auras beaucoup de monnaie. Hein. Ouais. t'es assez à l'aise. Hein. Qu'est-ce que vous faites c'est pour le All Inclusive. Bah oui, 130 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en faites des 130 millions d'euros, Laure? Moi, je fais rêver ma fille, je lui achète un parc d'attractions et je l'emmène dans les magasins et je lui dis la phrase que je rêve de lui dire. On s'éclate, budget illimité. Ah mais ça, je peux dire, Laure, elle l'a jamais dit ça. Non. Ça, c'est sûr. Marine, ma chérie, tu gagnes 130 millions d'euros ce soir à l'euro million. T'en fais quoi, ma belle? Salut tout le monde. Alors déjà, comme dirait l'autre, Sartec le nouveau studio. Dieu bénisse, il est magnifique. Il est magnifique. Là, je peux dire, il sent encore la peinture neuve, celui-ci. Alors moi, écoute... 130 millions d'euros, ma chérie. Déjà même pas quoi, déjà 100 millions, enfin déjà c'est énorme. Moi, je vais chercher tout le monde, mes parents, je vais chercher mon chéri au travail et tout, et on s'envole pour Tahiti, quoi. Et on y reste le temps qu'on veut. J'ai envie de te dire, j'achète une petite île et tu peux rester ta ville. Ah ouais. Ta vie 130 millions, mais rien que tu les places. Rien que tu les places, ils travaillent les 130 millions et tu kiffes à côté à Tahiti, Nico du bureau. Oui, moi franchement je les place. C'est vrai que c'est un petit peu chiant de faire ça, mais au final c'est vrai que si tu places 130 millions d'euros à 1,2%, tu te retrouves avec 1 500 000 euros par mois. Lourdeur. C'est énorme. Non, 1 500 000 euros. Combien? 1 500 000 euros par mois. C'est énorme, mais la lourdeur de. On essaie de faire un kiff et lui son kiff c'est de mettre sur un codévi. Mais la lourdeur, Nick Clément. Moi je prends une immense maison avec une grande salle de concert. Et plus que de regarder la télé, je fais venir les trucs chez moi. Bah dans Miss France, c'est à la maison l'élection. Oh, génial. Il y a un match de foot qui te plaît, tu te dis tiens, Nantes-Monaco. Vous venez jouer chez moi. Dans mon salon, on met les corners. Slam sur France 3, tu fais venir tout le monde dans le salon de France 3. Non, mais tout ce que t'as envie, t'as plus de télé, tout vient chez toi directement. Ah là là là, c'est une bonne idée ça. Ah ouais, c'est une bonne idée, oui, Clément. Le mec qui débarque le vendredi, il frappe à ta porte. On a 12 tonnes de sable, c'est quoi? Bah, Koh-Lanta ce soir. C'est dans ton genre, très bonne idée ça. 8h31, restez avec nous sur Virgin Radio. On a le temps de faire juste un petit point sur la. Et on est de retour et avec le son de Kungs, Don't You Know, bien sûr. Voilà ce qu'on vous a préparé pour le pop rock électro. Excellent réveil à tous. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, profitez du ciel bleu aujourd'hui si vous avez un petit peu entre deux nuages car ça ne va pas durer, la pluie va se renforcer au fil de la journée pour envahir tout le pays ce samedi. Retour des éclaircies dimanche, 22 degrés en moyenne cet après-midi. Les avions de chasse français ont entamé leur survol de Mossoul. L'armée française entre en action pour participer à la libération de la deuxième ville irakienne actuellement aux mains des djihadistes. 8 rafales ont décollé vers 7h ce matin depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Une centaine de dirigeants du monde entier se réunissent à Jérusalem. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont sur place. Israël dit adieu aujourd'hui à Shimon Peres, décédé mercredi à 93 ans. Le lauréat du prix Nobel de la paix 94 va être inhumé dans le cimetière du Mont Herzl. Un mort et 114 blessés. Dernier bilan de l'accident de train survenu hier en pleine heure de pointe dans une gare du New Jersey. Défaillance technique ou erreur humaine, aucune piste n'est privilégiée par la police new-yorkaise. L'ouverture du mondial de l'auto demain à Paris, porte de Versailles. Les SUV sont l'une des tendances du salon, mais pas seulement. Les voitures électriques ont décidé de frapper fort cette année avec une autonomie nettement améliorée. Jusqu'à 300 km par exemple pour la Renault Zoé. Chez Mercedes, on estime que les 500 km seront la norme en 2020. Un pour tous, tous pour un. La comédie musicale Les Trois Mousquetaires est actuellement à l'affiche du Palais des Sports, porte de Versailles à Paris. La grande première avait lieu hier soir et le public a visiblement apprécié le spectacle. Réaction enthousiaste à la sortie. Au micro de Cédric Lecor. C'était assez fou, les chorégraphies étaient vraiment géniales. Bon spectacle, des bons danseurs, bonne chorégraphie. Il y a un bon feeling entre tous les artistes, non, franchement c'est un très beau spectacle. En plus il y a un peu d'humour dedans, donc c'est étonnant dans une comédie musicale, j'en ai déjà vu, il n'y a pas forcément d'humour. J'ai trouvé qu'il y avait un très beau travail de lumière, une belle mise en scène avec des beaux effets, surtout sur les moments dans la mer. Et voilà, j'en dis pas plus. La suite à découvrir jusqu'au 1er janvier au Palais des Sports de Paris, puis les Trois Mousquetaires partiront en tournée dans toute la France à partir de février. Lady Gaga sera elle la star du prochain Super Bowl. La diva de la pop assurera le concert de la mi-temps lors de la finale du championnat de foot américain. Ce sera le 5 février à Houston. L'actu foot chez nous, c'est le coup d'envoi ce soir de la 8e journée de Ligue 1. Rennes-Guingamp, 20h45. Nice-Lorient, dimanche 17h. Et Lyon-Saint-Etienne en match de clôture. Nice qui a perdu 5 buts à 1 hier à Krasnodar dans la 2e journée de l'Europa League. Saint-Etienne, en revanche, a arraché le nul 1 but partout face à Anderlecht. Voilà pour l'actu. Tout de suite, vous retrouvez Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Très belle matinée avec Virgin Radio. Belle matinée à vous tous, j'espère que ça va. Courage si vous êtes, je sais, encore un nombreux dans votre voiture. D'autres sont déjà arrivés au bureau en train de prendre le café. La pièce qui marche pas, on la frotte sur la machine, ça sert à rien, elle passera plus jamais. C'est quoi, c'est des fausses pièces? C'est quoi ces pièces qui passent pas dans les machines? Mais non, parce que quand tu les remets, après elles passent, c'est des pièces farceuses. Non, mais t'as beau les frotter et tout, elles repassent plus, mais on dirait que c'est quoi ces pièces? Non, c'est parce qu'elles sont sales. Avec sa brosse à dents, quand même, depuis une 34 minutes qu'elle parle toute la matinée avec une brosse à dents. Tu sais que je les brosse, c'est hyper chromatique. C'est bien sûr que c'est bien. Continue comme ça. Tu disais quoi les pièces, c'est qu'elles sont quoi? Elles sont sales. Mais non. Ah, je te dis que si, quand tu la nettoies, elle passe la pièce. Ah non, Nico du bureau. Elles sont démagnétisées en fait. Voilà. Non, c'est ça. Ah, c'est pour ça qu'on peut en la frottant, ouais, ça la remagnétise. Exactement. Eh ben, on a la réponse. Nico du bureau, c'est le génie de cette émission. Merci. Hein. Enfin, génie, par rapport à l'émission, il faut juste être allé jusqu'en quatrième. Et... c'est le génie de l'émission. Hein. Dans un instant, c'est jour à la Réunion, valeur 7000 euros. Ouais. Prends des gros tirages au sort, là, il a lu en direct dans un instant. Et l'un d'entre vous va partir à la Réunion. C'est vraiment ça la musique de Réunion. Je me suis dit, on allait changer un peu, d'habitude, on met tout le temps ça. On l'aime bien ça. Parfois, le changement n'est pas forcément bon. Les amis, c'est à gagner dans un instant. Je sais même pas comment on va faire. Avant 9h, 4 iPhone 7 à gagner grâce à Brossard. Les amis, c'est un truc de dingue. C'est poli. 4, parce que vous le savez, toute la semaine, il y a eu des perdants, tout ça. Et nous, on garde jamais les cadeaux. L'important, c'est de vous les réoffrir. Là, en 25 minutes, il faut qu'on arrive à offrir 4 iPhone. On va y arriver. Rassurez-vous, on va vous faire plaisir. Ça se passe au 39-16. Et pour le moment, c'est la réponse à tout. Réponse à tout, les amis. Clément descend dans la rue, pose des questions uniquement aux enfants et ils ont toujours la bonne réponse, ils se trompent jamais. Exactement, sauf quand mes neveux et nièces sont à la maison, j'ai même pas besoin de descendre dans la rue et je leur demande c'est quoi les impôts prélevés à la source. Qu'est-ce que ça veut dire les impôts prélevés à la source, à ton avis? Ça veut dire qu'en fait, y en a, ils travaillent. Comme des impôts, j'ai travaillé, à côté d'une source d'eau dans les montagnes. Et donc ils payent des impôts à la source? Oui. C'est-à-dire qu'ils mettent l'argent où? Ils le mettent dans la rivière, comme ça coule et ça tombe pas. Après ça descend jusqu'à la mer. C'est jeter l'argent par la fenêtre? C'est jeter de l'argent par la fenêtre en fait. Sauf que au lieu de l'acheter par la fenêtre, tu l'achètes par la rivière. Est-ce que tu sais ce que c'est que les impôts, toi? C'est des trucs qui font payer et qui font râler les grands. Ça fait râler les grands, les impôts? Bah oui. Et un impôt sur le revenu, ça veut dire quoi? C'est un impôt, c'est des impôts qui reviennent tout le temps. Par exemple, tu fais des impôts, l'année prochaine tu fais les mêmes impôts. Je suis trop petite, je paye pas d'impôts, donc merci de me poser une autre question. Réponse à tout! Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin, bien sûr, retour du Réponse à tout. Ce sera lundi à la même heure avec une nouvelle question et deux nouvelles réponses. On écoute Kungs. Allez, yeah. Il a tout pour lui, il a 19 ans. Oui. Il s'appelle Valentin. Oui. Et il est d'où? D'Aix-en-Provence. Ça ne gâche rien. Kungs, tout de suite, Don't You Know sur Virgin Radio. Excellent réveil. Let's go! Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Virgin. I'm gonna run. No, I'm gonna rock your back. Take it now, slow. Gonna rock your back. Don't you know? No. From dying. I'm gonna rock. tous les amis, soyez les bienvenus, 9h-20 sur Virgin. Les amis, j'espère que cette matinée se passe bien pour vous. En tout cas, c'est vendredi, je sais que c'est pas simple. Faut aller au bureau, faut déposer les enfants à l'école. On est tout cœur avec vous, les copains. 6h-9h avec Pauline au standard, avec Clément Lincrus. Bonjour. Avec la petite Laure. Salut, t'aurais pas un réhausseur pour moi par hasard? Oui, c'est pas simple. On a un nouveau studio, les amis. Il va falloir trouver le même truc que met Nicolas Sarkozy avant ses discours. C'est va falloir lui demander. Mais Laure, elle atteint pas le micro. Je suis sur mes genoux ou sur la chaise? On a un vrai souci. Ou un trampoline, on entendra un mot sur... on entendra un mot sur deux, mais il faut l'aider. Il faut aider Laure et les copains. Alors vraiment, on est très heureux de vous rejoindre. Et enfin, si vous nous rejoignez à l'instant, et j'ai un bon moyen pour vous aider à ouvrir les yeux. C'est quoi? Regardez ce qu'on écoute dans un instant. Oh, Katy Perry. J'adore. Oh, je pourrais l'écouter maintenant. Mais quand même, et avant d'écouter Katy Perry, on vous offre là, maintenant, un séjour à La Réunion d'une valeur de 7 000 euros, les amis. Oh là là là là. Le tirage au sort, c'est maintenant. Attention, on a un jingle? Pas du tout. Pas du tout. Attention, on y va. Tirage au sort, les amis. Je fais signe au réalisateur Robin. Je lui fais, c'est bon? Il me fait, ouais, c'est bon. On a un jingle? Non, non. Mais tout va bien. En fait, il faisait juste une de, ouais, non, je suis cool, non, tout non, va bien. 37,2, là, je suis au top. Ouais, que je lui demandais s'il allait bien dans sa vie. Donc, je le regarde, il y a l'autre bout dans un nouveau studio. On se cherche aussi un peu. Et donc, Robin, il me regarde, il me fait, tout va bien pour. Il croyait que je prenais des nouvelles. Pendant le speak, ça va, mon Robin, toi? Ouais, super, merci, gars. Top, top, top. Un peu de fièvre, mais c'est cool. On sera biboche avec ma meuf, donc je suis content. Non, mais j'ai le texto, là, je te le fais lire. Juste en mode, non. Donne des nouvelles de lui, en fait. Donc, je voulais dire, est-ce qu'on a un jingle? Il me fait, super. Tout roule pour moi, 5 sur 5, pas de soucis. Et le jingle? Ah non, il n'y a pas de jingle. Juste, je vais bien, au cas où ça intéresse des gens. Les amis, attention, c'est parti. Donc, sans jingle, c'est pas grave, on va faire ce tirage au sort magnifique. Parmi nos 3 gagnants de la semaine, il faut expliquer que tous les matins, on vous a offert un très beau cadeau. Un casque Sennheiser Momentum, il vaut 350 euros. Tous les matins, on a eu un gagnant. Lundi matin, on a eu Christine. Elle est de retour. Salut ma Christine. Salut. Christine, 24 ans, de Forbach. Ouais. C'est ça. C'est ça, ville que j'aime beaucoup. J'embrasse d'ailleurs le café PMU, le paradis 22 rue Nationale. Là, c'est des amis, je connais très bien Forbach. Ouais. Jackie, qui est là-bas. C'est le propriétaire du café. Ah non, du café, d'accord. On était avec lui. Attention. Mardi, il a gagné déjà son casque. Chacun a déjà gagné un très beau cadeau, un casque. On a eu Charline au téléphone. Charline, tu es là? Salut les filles, oui. Charline, je l'aime beaucoup, 25 ans. Saint-Maurice sur Aix, c'est près de Nîmes. J'y vais souvent. Je vais souvent d'ailleurs prendre un petit peu de produits du terroir à côté cour. Dans le village. Chez Jackie, aussi. Très bien. Et puis mercredi, on a eu Damien. Damien, t'es là toi, mon pote? Ouais, je suis là. Salut tout le monde. Salut mon poteau, 28 ans, qui habite Beaucaire. Là aussi, hein, c'est près de Nîmes. Hein. Donc quand je passe, évidemment, je vais à côté court près du village. Puis je vais souvent, bah, vous me connaissez, petit bar à salade, le soleil, qui est du général de Gaulle. Alors là, je me régale. J'ai mes petites habitudes. Non, mes petites habitudes à Beaucaire. Oui, Laure. Non, c'est marrant, je pensais que t'allais plutôt au Fontêtes. Les Fontaines? Non. Boulevard du Maréchal Foch? Ouais. Non, pas du tout. Ah, bah, je croyais, tu vois. Je suis plus bar à salade. Ah, ok. Mais on veut pas. Les amis, vous êtes que 3, puisque hier, si vous étiez avec nous, hier matin, entre 6h et 7h, malheureusement, Léa a perdu. Ouais. Et donc, elle n'est pas sélectionnée pour ce très beau séjour. Un seul va repartir avec ce séjour. Christine, Charline ou Damien. Vous êtes prêts, les copains? Oui, c'est parti. Je vous jure, c'est incroyable parce que c'est pas tous les jours, sincèrement, en radio qu'on offre des séjours d'une valeur pareille. Ouais. Évidemment, c'est tout frais payé. Vous serez en hôtel 5 étoiles, le Lux Saint-Gilles, pension complète, avion, tout ça grâce à Air Austral. Donc, j'ai un peu de suspense. Clément. On est d'accord que là, donc t'as la main dans le seau à champagne, le premier nom que tu tires, c'est pas le gagnant. Ah, le premier nom, je l'ai là. Mmh. Tout est filmé, vous pourrez voir, voilà, vous verrez, vraiment, il n'y a pas d'arrangement. Tout est filmé. J'ai le premier billet. Le prénom qui va être sur ce billet, c'est important, sera malheureusement éliminé. Ah. On est d'accord tous les trois? Oui, on est d'accord. Oui. On y va. Attention. J'ai le prénom. La pression. J'ai le prénom. La première personne donc à avoir été tirée au sort et qui malheureusement là ne sera pas en finale, hein, s'arrêtera aux portes de la finale, sera tout de suite éliminée. Je vais vous dire tout de suite, il y a un E dans son prénom. Aïe aïe aïe. Oula. Bah, les trois en nom en fait. Ouais, c'est... Je viens de m'en rendre compte. C'est une fille qui va être éliminée. Oh. Oh. Une fille avec un A dans son prénom ou pas? Déjà, je vous le dis, hein, Damien, quoi qu'il arrive, toi, tu passes le palier suivant. Canon. Ok. C'est un prénom qui commence par un C. Les deux, bien sûr. Christine et Charline, malheureusement, je suis désolé. Vous le savez, vous avez déjà eu un beau cadeau, mais il faut éliminer quelqu'un. Ouais. C'est Christine, malheureusement, qui est éliminée. Oh, non. Christine, t'as déjà eu un beau cadeau. Malheureusement, c'est pas toi qui partiras à la réunion. Bah écoute, c'est déjà très bien. J'ai eu la chance de participer. Bah, c'est parfait. Voilà, c'est ça l'esprit Virgin Radio. Ouais, c'est ouais. Ça. Même quand on perd, on gagne. Bien sûr. C'est ça qui est beau. Bravo, ma Christine. Tu restes avec nous. T'as un ange. Ne bouge surtout pas. Maintenant, on va savoir lequel des deux part à la réunion. Un séjour pareil, mais vous imaginez, on a offert, c'était la Guadeloupe, la Martinique la semaine dernière, j'y suis jamais arrivé. C'était la Martinique la semaine dernière, très beau séjour, et là encore, valeur 7000 euros. Ça y est, je viens de tirer au sort. Les amis, le prénom qui est là, sur ce papier, cette fois, c'est le gagnant. D'accord. On se met bien d'accord ? On est d'accord. C'est le gagnant. Là, je vais donner le prénom du gagnant. Oh là là. Je prends la formule offensive. Attention. Oh là là. J'ai le prénom. Voilà. Tu te rends compte qu'à ce moment-là, t'es le seul dans le monde à savoir. J'ai le prénom de la personne qui repart avec un séjour d'une valeur de 7000 euros. Et je vous le donne juste après Katy Perry. Oh, oh non. Non. Restez non. Avec nous, oh on l'écoute tout de suite. Oh on est en direct sur Virgin Radio. Katy Perry ensuite. Qui de Charline, qui de Damien va partir à la réunion? Je vous dis ça juste après. C'est parti. Bienvenue sur Virgin Radio. Si vous nous rejoignez, on est en direct chaque matin à vos côtés. Courage, c'est vendredi aujourd'hui. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I sit quietly, agree politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, 'cause I've had enough. I see it all, I see it all.

chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi, j'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game, wish I could just let it be. Should've left but I did it again, and now it all fires back in me. Je fuis ton regard, de peur qu'il soit trop tard. I should've gone home, should've left. Bien sûr, tous les matins le Virgin Tonic, tous les matins Fraîcheur d'Arta. Bien sûr, je suis fraîche et ça se voit. Bienvenue à tous, bientôt 9h hein, les amis. Je vous souhaite une très belle matinée. Merci en tout cas de la passer avec nous et plus nombreux chaque matin sur Virgin Radio. On fera un dernier point sur l'actu dans un instant. Je m'excuse par avance à auprès de Pierre-Alex. Oui. Vous le savez, il vous accompagne chaque jour de 9h à midi pour le pop rock électro. Là, il a le temps. Qu'il prenne son temps, qu'il fasse encore une petite séance d'abdos fessiers, parce que à l'heure qu'il est, je vous le dis, hein, là, il est bientôt 9h. 9h, on fera les infos, mais on a encore une chanson de la semaine à faire. J'ai encore 4 iPhones à vous offrir. Et on a encore une grille d'euros millions à remplir. Voilà, ah ouais, on est débordé. Okay. À un moment donné, je vous le dis, on est ric-rac. Donc, qu'est-ce que je fais? Je n'offre pas les iPhones, ou est-ce que j'offre les iPhones et je dépasse un peu? On déborde. Les iPhones et dépasse un peu. À vous de me le dire. Il est où, Pierre-Alex? Il est là? Ah bien sûr que non. Et tu as trouvé Pierre-Alex trop vite. Non, il a Zumba jusqu'à 9h. Les amis ont rempli la grille de Romilio. Là, je peux vous dire, là, on va dépasser, on va rester avec vous ce matin. Si, je vous le souhaite pas, mais si vous êtes un petit peu dans les bouchons, voilà, rassurez-vous, on va vous accompagner encore un bon moment sur Virgin Radio, je le sens. De toute façon, c'est le week-end, demain, on n'a pas envie de vous quitter. Nous, après, vous allez nous manquer jusqu'à lundi. Le Romilio, qu'est-ce que c'est? Des euros et des millions. C'est ce soir le tirage au sort sur TF1. Ouais. Comme chaque fois. Finalement, chaque soir. Et là, il y a une énorme cagnotte. La cagnotte, Nico Dubureau. 130 millions d'euros. Alors, c'est le mardi et vendredi. Ce soir, c'est 130 millions d'euros. C'est un truc énorme. 130 millions d'euros. Pour ça, il faut remplir une grille. 5 numéros, 2 numéros complémentaires. 2 étoiles, oui. 2 étoiles, 2 étoiles. On va, dans l'équipe, donner un numéro. Oui. Et puis, on va aussi prendre des gens au 39-16 qui vont nous donner le numéro. Cette grille. Ce sera la grille officielle du Virgin Tonic. Ok. On l'aura. Ensuite, on fera ce qu'on fait à chaque fois. On la poste sur notre Facebook, le Facebook officiel du Virgin Tonic. Tous ceux qui likent la photo. Ouais. Si on gagne, on partage. Voilà. Ouais. Okay. Ce sera trop tard si vous likez une fois qu'on a gagné et qu'on est millionnaire. Désolé pour vous. Eh ouais, oui. Si on est 100, si on est 1300 à liker la photo. Alors attention, faites le calcul. Un million, non? Non, ça fait 100 000 euros chacun. Ça va, à mon avis, ça fait 100 000. Mais je suis pas bon en calcul. Moi, même avec la calculatrice. Même avec, tu arriverais pas. Bon, tout ce que je sais faire, c'est écrire soleil à l'envers. Alors attention, Nico. 13 000, c'est ça? Oui, 13 000. Ouais, c'est ça. Ouais, merci. 10 000 chacun. Donc, 10 000 euros chacun. Ouais. C'est bien, hein? C'est super. Ouais. Donc, les amis, n'hésitez pas à liker la photo. Pour le moment, on va la remplir cette grille. Juste avant de passer à l'actu. Tiens, je vais prendre. Allez, on va prendre Marine au 39-16. On va prendre Fred au 39-16. On va prendre Rémi au 39-16. Salut tous les trois. Salut Camille. Salut Camille. Salut l'équipe. Salut les copains, soyez les bienvenus. Attention, Marine, déjà, quel chiffre tu aimerais mettre dans cette grille? Je t'écoute, ma belle. Le 19. Le 19, très bien. Alors, avec mes yeux, c'est pas pratique. La grille de l'Omillon, il faut être un X-Men hein, pour arriver à la remplir. Hop, hop, hop. C'est bon. 19. Pourquoi le 19, Marine? Parce que c'est le jour où je me suis mis en couple avec mon chéri, voilà. C'est tellement mignon. Les femmes et les dates. Une date pour chaque événement de la vie. Mais c'est la première fois que t'as perdu tes clés, rappelle-toi. Donc on fête plus le 22 octobre, quoi. Premier jour, j'ai fait pipi la porte ouverte. C'est super. Vraiment, j'ai fêté tous les ans. Il y a quasiment tous les jours un truc à fêter. Nous, les mecs, on a déjà une date galère, c'est retenir votre anniversaire. Le 19, c'est fait. Attention, ma belle. On a pris ton 19, j'aimerais maintenant parler à Fred. Oui Camille, alors Fred, moi mon poteau, le 24. Le 24 celui-ci, comme il y va. Mais le 24, oui, pour quel motif? C'est simple, parce que comme tu as parlé des dates, c'est le jour de mon anniversaire, c'est le jour de l'anniversaire de ma chérie aussi. Et le mien. Vous êtes le même jour, mais pas le même mois. Non, pas le même mois. Très bien, le 24, c'est un porte-bonheur, très bien. Bon, la petite tuile avec Pauline, mais à l'abri, ça nous porte-bonheur. Le 19 et le 24. Après, on va publier la grille, vous verrez comment je fais vraiment bien l'écran, on dirait un enfant de 4 ans. Sauf que tu débordes. Non, non, mais c'est horrible. En pleine crise d'asthme. Hein. Genre un enfant de 4 ans en pleine crise d'asthme. Ils galèrent vraiment. Ils sont horribles, mes croix. Attention, Rémi, j'aimerais également que tu me donnes un numéro. Je rappelle la grille. Hein. De 1 à 50. Rémi, tu es là? On a perdu Rémi. Rémi. Rémi, premier appel. Rémi, deuxième appel. Rémi n'est plus là. Rémi n'est plus là, c'est pas grave. Attention, okay. Je me tourne vers l'équipe. Ouais. Je rappelle, hein, 5 numéros et 2 numéros étoiles. Ouais, ok. Alors, ton numéro et pourquoi? Mon anniversaire. Mon anniversaire. Tu connais. D'accord. Alors, si tu le connais. Le combien? Le 26. Eh ouais, mais alors, tu fais une bêtise, ma grande. Pourquoi? On a déjà le 24. Oh, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est très proche. Mais enfin. C'est très proche. C'est très proche. Mais enfin, monsieur Combat. On m'attend. Non, mais attends. On va où, là, les mecs? Attends, mais merde, là, les gars. Comment vous voulez gagner l'euro mignon, là, les gars? Le 24 et le 26. Mais donnez-moi le 25. Comme ça, foutu pour foutu, quoi. Ça me rend fou, là, d'avoir des gars comme ça. Attention, Clément, ton numéro. Je vais faire la même chose, mon anniversaire, le 42. Oh. Quel idiot. Le 42, pourquoi en vrai? Bah, en vrai, parce que je suis né le 27 et je me suis dit, souvent je joue le 27 et on gagne jamais. Donc là, j'ai dit, allez, 42, quoi. Sans 42. Aucune raison, mais je le sens. Aucune logique, mais c'est peut-être ça qui nous porte à chance. Oui, ouais. C'est peut-être ça. Pauline au standard, je rappelle qu'un gage qui doit finir l'émission avec une brosse à dents dans la bouche. Mm-hmm. Pauline, ton numéro. Moi, c'est le 3 pour ma petite famille. Pourquoi ma petite famille? William et mon chat. Et William qui est né en l'an 3. Après Jésus-Christ. Avant. Bien sûr, ça porte. Avant Jésus-Christ. Ah, même elle a allumé des vannes. Vas-y, c'est parti. Ça y est, Willou la cartouche, t'es mal barré. Même elle, elle fait des vannes. Attention, on est à 5 numéros. Maintenant, il manque les 2 numéros étoiles. On va s'en occuper avec Ginger. Là, ça tombe pour nous. Ma Ginger, ma chérie. Oui. Dis-moi tout, un numéro étoile. Donc, je rappelle, ça va entre 1 et 12. Le 6. Le 6. Le 4. Non, non, je mets le 6. Ouais. Petit numéro étoile. Le 6, c'est fait. Et moi aussi, alors. Hein. Ouais. À moins qu'on ait retrouvé Rémi. Rémi, t'es de retour? Ouais, je suis de retour. Attends, mais. Ah, t'es vite fait de retour. T'es de retour? Ouais, je suis de retour. Ah. T'es de retour? On va prendre le 1 comme le nombre de mots qu'on entend dans les phrases de Rémi. On va galérer avec Rémi, le pauvre. Il est là, mais on l'entend très mal. Ça capte mal, ça arrive. Eh ben alors, je vais choisir pour Rémi, excusez-moi. Je vais prendre. Bah, tiens. Hein? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre le 12? Bah, oh, rien. Allez-y. Bah, foutez-moi en zonzon. Eh oui. Il y a 12, je prends le 12, je prends le max. Ah. Et croyez-moi, si demain on gagne grâce au 12, vous direz, bah, heureusement qu'on n'entendait pas Rémi, que Camille a choisi le 12. Je prends le 12. Nico du bureau, qu'est-ce qu'il y a? Sur le site des statistiques de l'Euro Million, le 12 en étoile, il ressort, il dit il est en forme récente. Okay. Donc a priori, il faut vraiment jouer le 12 en étoile. Ouais, comme les chevaux, il y a vraiment des mecs qui entraînent les chiffres et tout, le 12 il est en pleine forme. Qu'est-ce que je vous dis souvent dans l'équipe? J'ai pas toujours raison, mais j'ai jamais tort. Attention, on a donc 5 numéros, 2 étoiles, c'est ça hein? Ouais. Je joue qu'avec vous, je suis pas du tout joueur de tout ça, donc chaque fois que je fais une grille de Romillon, c'est avec vous sur Virgin, je joue jamais en dehors. Oui, Laure. Tu veux que je récapitule les numéros? Ouais, je peux le faire, mais vas-y. Non, mais c'est vraiment j'ai la grille dessus. Devant moi, d'accord, non, mais alors si t'as envie, régale-toi. Donc on a dit le 19, le 24, le 42, le 26, le 3 et les étoiles, le 6 et le 12. Le 6 et le 12. Les amis. Voilà notre grille, on la met tout de suite en photo, hop, on va la valider. Ginger, allô, oui. On se réveille, c'est parti. On y va les amis, dans quelques minutes, tous ceux qui likent la photo, vous avez jusqu'au tirage de ce soir sur TF1, d'accord. Et celui ou celle qui n'aura pas liké avant, si on est millionnaire, tant pis. Ah bah oui. Il faudra pas venir nous chercher des pouces, ce sera trop tard. Ah bah non. On est d'accord? Oui. Les amis, c'est la grille de Romillion du Virgin Tonic. On a aussi 4 iPhones à vous offrir. Oh, c'est fou. 4 iPhones, c'est énorme. Grâce à Brossard, Brossard fête ses 20 ans. Ils nous ont régalé, ils m'ont donné mon gâteau d'anniversaire. C'était il y a 15 jours. Énorme. Et ils sont adorables. Ils nous ont filé des packs comme ça, Brossard. Alors il y a Brownie à volonté, il y a les iPhones et il y a un séjour. jours à Paris, tout frais payé, rencontre avec un artiste Virgin Radio. Tout ça, ce sera gagné. Bon, bah là, on est parti pour un bon moment encore avec vous. Rassurez-vous, vous êtes peut-être dans les bouchons. Le Virgin Tonic, normalement, c'est 6h, 9h. Ce matin, comptez plus sur 11h, 11h30. Hein, je vous cache pas. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et la chanson de la semaine qui revient sur les meilleurs moments de la semaine aussi, qui est prête. On va chanter tous ensemble. Et le pop rock électro de The Avener qui arrive. Bougez pas. Your Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un temps mitigé aujourd'hui avec des averses attendues de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est via la région Centre-Val de Loire. Des nuages au nord, du soleil sur le sud, 22 degrés en moyenne cet après-midi, de la pluie, des orages pour demain, mais de belles éclaircies de retour des dimanches. Dans les Caraïbes, la tempête Matthew est devenue un ouragan. Il a quitté la Martinique et file actuellement vers Haïti, la République Dominicaine et les îles sous le vent. Le Venezuela et la Colombie sont invités à surveiller l'évolution de la perturbation pour leur zone côtière. La France engagée dans la bataille de Mossoul en Irak. La deuxième ville irakienne est aux mains des djihadistes. La coalition internationale a décidé de la libérer. Les rafales de l'armée française sont entrées en action ce matin. 8 avions de chasse ont décollé vers 7h du Charles de Gaulle déployé en Méditerranée. La mission du porte-avions est prévue jusqu'à fin octobre. Le Monde dit adieu à Shimon Peres. L'ancien président israélien décédé à 93 ans va être inhumé aujourd'hui au Mont Herzl de Jérusalem. Une centaine de dirigeants de la planète sont sur place, comme d'ailleurs François Hollande et Nicolas Sarkozy. Les deux responsables politiques français ont voyagé ensemble dans le même avion côte à côte, l'avion qui s'est posé hier soir à Tel Aviv. J-1 pour le mondial de l'automobile, porte de Versailles à Paris. Les tendances du marché cette année, les SUV et les voitures électriques. Renault frappe fort en annonçant que la Zoé sera désormais dotée d'une autonomie d'environ 300 km en conditions réelles. 35% des Français se disent prêts aujourd'hui à opter pour une voiture électrique. Un pour tous, tous pour un. La comédie musicale Les Trois Mousquetaires est actuellement à l'affiche du Palais des Sports Porte de Versailles à Paris. La grande première avait lieu hier soir et le public a visiblement apprécié le spectacle. Réaction enthousiaste à la sortie recueillie par Cédric Lecor. C'était assez fou, les chorégraphies étaient vraiment géniales. Bon spectacle, des bons danseurs, bonne chorégraphie. Il y a un bon feeling entre tous les artistes. Non, franchement, c'est un très beau spectacle. En plus, il y a un peu d'humour dedans, donc c'est étonnant dans une comédie musicale. J'en ai déjà vu, il n'y a pas forcément d'humour. J'ai trouvé qu'il y avait un très beau travail de lumière, une belle mise en scène avec des beaux effets, surtout sur les moments dans la mer. Et voilà, j'en dis pas plus. La suite à découvrir jusqu'au 1er janvier au Palais des Sports de Paris, puis les Trois Mousquetaires partiront en tournée dans toute la France en février. En foot, match nul de Saint-Etienne, un but partout face à Anderlecht hier dans la deuxième journée de l'Europa League. Nice a sombré 5-2 en Russie contre Krasnodar. Aujourd'hui, place à la 8e journée de Ligue 1. Rennes-Guingamp ce soir à 20h45. Nice, le leader, recevra Lorient dimanche après-midi. Et Paris jouera dès demain face à Bordeaux. Aux États-Unis, notez que Lady Gaga sera la star du prochain Super Bowl. La diva de la pop assurera le concert de la mi-temps le 5 février à Houston. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Pierre Alex. Bon week-end avec nous. On est là pour se réveiller sur Virgin Radio. C'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Oh là là, on est là avec vous encore les amis, bien sûr, en direct, 9h08, vous êtes dans le Virgin Tonic, on est là tous ensemble, on se présente, je suis Camille Combal, il y a Pauline au standard. Coucou. 3916 pour nous joindre, n'hésitez pas, on va vous offrir des beaux cadeaux, je vous en parle dans deux secondes. Clément l'incruste est là. Bonjour. Ça va? Très bien. Clément a dormi chez son ami notaire apparemment, cette nuit, il n'avait rien à se mettre ce matin, il a pris sa chemise. Pas mal. Ben, elle est belle, t'es très beau mon pote. Il y a Laure qui est là aussi. Salut, comment ça va? Salut, Pamela. Comment la pêche? Oh, la comédie. De plus belle la vie. On est ensemble quand même, il faut dire, on est ensemble depuis 6 ans. Et avec ce... ouais. Salut Camille, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah ouais, alors, ça fait 10 ans. Ma petite Laure est là, il y a Nico du bureau, il y a Ginger. Oui. Salut. Et je vous l'ai dit, là, on va pas vous lâcher. Alors, on était, normalement, c'est 6h, 9h, mais on est tellement heureux d'être là. On est tellement heureux d'inaugurer notre nouveau studio. Ouais. Tout nouveau studio, beaucoup plus grand. Ouais. Enfin, vous pouvez pas faire plus petit. Ouais. C'était grand. Une studette radio, maintenant c'est un studio radio. Et puis surtout, tous vos visages en face de nous, on a mis un immense drapeau. Alors, on voit tous vos sourires, vous êtes avec nous dans le studio chaque matin et on n'a même pas encore eu le temps de tout faire. La chanson de la semaine qui revient sur les meilleurs moments, ce sera dans un instant. Puis surtout, 4 iPhones à vous offrir. Je voudrais remercier, on n'est pas obligé, mais je voudrais vraiment remercier nos copains de chez Brossard parce qu'ils fêtent leurs 20 ans. Ils ont décidé de les fêter avec nous sur Virgin Radio. Et puis surtout, le plus important, c'est qu'ils ont décidé de vous régaler. C'est que chaque personne qui va gagner là gagne un pack Brossard. Mais un pack Brossard, c'est quoi déjà? C'est un iPhone 7. Wow, ouais, wow. iPhone 7. En chocolat? Non. Un iPhone 7, c'est un séjour tout frais payé à Paris pour un concert privé avec un artiste Virgin Radio. Génial. C'est, on est comme des dingues. Et puis, en plus, brownie à volonté. Oh, mais c'est ouf. Ah, mais je sais même pas si c'est pas sa meilleure nouvelle. Non, c'est pas que Brossard. Oui, Nico, ils nous ont envoyé quelques-uns, on les remercie pour le bureau et on a goûté le brownie avec le cœur caramel là. C'est une tuerie. Franchement, celui-là, il est ouf. Ah ouais. Cœur caramel. Ah ouais. Après une belle série sur TF1, ça. Laetitia Millot, la nouvelle héroïne de Cœur caramel. Cœur caramel. Comment tu peux me parler comme ça? Ça va pas? Tu sais bien, j'ai le cœur caramel. La vengeance aux yeux caramel. La vengeance aux yeux caramel. C'est les experts caramel. Les experts cœur caramel. C'est pas mal, hein? C'est génial. Mais franchement. Mais ouais. Coup de foudre à cœur caramel. Tout marche, oui, Clément. Le caramel football club. On débriefe des gâteaux. Alors là, vous voyez, là, il est trop moelleux sur le côté. Et il est fondant à l'intérieur. Oh, je peux pas vous laisser dire ça. C'est génial. Cœur caramel warrior. Pour Ninja Warrior. Oui, Clément, Nico. T'as vu le bazar là, dans Faites entrer le caramel. Faites entrer le cœur caramel. Bon, les amis, attention. Faites caraméliser l'accusé. Comment vous allez gagner votre iPhone? Votre pack Brossard, votre iPhone 7. C'est très simple. On va lancer un appel à témoins. J'adore ça. De toute façon, je ne sais pas quand est-ce qu'on arrêtera. Est-ce que Pierre-Alex est là? Bien sûr qu'il est là, Pierre-Alex. Pierre-Alex qui vous accompagne chaque jour, 9h midi avec le pop-rock électro. Pierre-Alex, t'as le temps de faire deux séances d'abdos. Ok, très bien. Je vous vends une salle de sport, je vais tout faire aussi en même temps. Okay. Reste avec nous, les amis. Comment gagner cet iPhone? C'est très simple. On va lancer un appel à témoins. Le 3916, c'est notre standard. Il est ouvert. Pauline vous attend, bien sûr. Toute l'équipe de standardistes sont là. Ils vous accueillent au 3916. Vous appelez Pascal et vous êtes patron d'un bistrot. Pascal au bistrot. Oh, pas mal. Vous m'appelez maintenant Pascal, vous êtes patron d'un bistrot. On vérifie tout. Oui. Eh bien, vous repartirez avec le pack Brossard. Clément. Et est-ce que tu veux qu'on rajoute, c'est l'aîné de la famille, Pascal le grand frère. Voilà. Vous appelez Pascal, vous êtes l'aîné de la famille. Oui. Pascal le grand frère, je prends iPhone pour vous. Attention. Vous vous appelez Guy. Oui. Vous êtes roux. Oui. Girouf. Oui. Vous aimez la cristalline? Elle est si bonne. C'est gagné pour vous, iPhone. Ça marchait avec vous êtes marchand. Guy Marchand. Ouais, bon, là. C'est plus ancien, ouais. C'est plus ancien. Ah, ok. Laure. Vous appelez Didier, vous êtes dans un champ. Didier, des champs. Ah, du oui. champ. Du champ, on prend. Ouais, ça marche. Didier, mais faut, attention, on vérifiera, faut vraiment nous appeler dans le champ. Ah, bah, on oui. blague pas, hein. Bah, oui. Vous repartez avec le pack Brossard. Pauline au standard. Ou alors, peut-être c'est trop facile, mais vous appelez, pardon, je remets la brosse à dents. Vous appelez Guy et vous aimez bien vous moquer. Qui moquait. Je prends ça. Je prends ça. Ok. Un petit dernier. Vas-y. Ouais. Vous vous appelez Julien. Vous bossez à la brioche dorée. Julien Doré. Oh, pas mal. Julien de la brioche dorée. Julien Doré, vous repartez aussi avec le pack Brossard ce matin. Je vais plus m'arrêter. On en a 4 à offrir. 4, il est déjà 9h13, je peux vous dire, on n'est pas prêt de rendre antenne. Pauline au standard, je te sens pas du tout sur celui qui arrive. Non, pas du tout. Je me lance même pas. Non, pour Julien, on veut un contrat de travail, une preuve. On veut une preuve. Oui. Ouais. Allez pas nous faire le coup de oui je bossais à la brioche dorée en fait d'être chez Pomme de Pain. Non, non, c'est bon. Parce que je connais pas de chanteur qui s'appelle Julien Pain. Non. Non, je ne crois pas. Alors que Julien Doré, ça marche. Laure. Oui, tu. Alors. Si j'en ai un appelez... Vas-y. Vas-y Clément. Vous appelez Clément, vous travaillez sur Virgin Radio. J'ai besoin d'un iPhone en fait. Ça ne marche pas. J'en rajoute un. Ah. Vous habitez Niort, la ville de Niort. Vous appelez Christian, ça fait Christian Niort. Oh. Je vous offre un pack Brossard. Pack Brossard pour vous, c'est Christian Niort qui m'appelle. Je vous le dis, 9h13, reste avec nous. Commencez à appeler, 3916, je vous jure, vous répondez à tous ces critères. Le pack Brossard est pour vous, les amis. La chanson de la semaine qui arrive aussi. On a 4 iPhones à offrir. Hein. C'est là que ça se passe tous les matins. Et à 9h20, vous savez quoi? On va faire un loyer. Hein? Ah ouais? On offre un loyer en plus. Est-ce que le patron Fredo est d'accord? Oui, je suis d'accord, super. Mais Fredo est d'accord. À 9h20, on refait un loyer. Il n'y a pas de raison. C'était 6h20, à 7h20, à 8h20. Chaque matin, vous payez un mois de loyer. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Ben, vous savez quoi? J'ai bien compris qu'à 9h20, on sera encore là. Eh bon, on fera un loyer. Restez avec nous. Tout de suite, qu'est-ce qu'on écoute? The Avener, on lui paye un iPhone, The Avener. We go, excellent réveil à tous, vous êtes dans le Virgin Tonic. Virgin Tonic. Virgin. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song, way down deep. Doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. Supposed to think you're thirsty, Rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over, we go home. Excellente matinée à vous tous, ne soyez pas surpris, on est en direct sur Virgin Radio, 9h17, c'est le Virgin Tonic hein, qui vous réveille chaque matin sur Virgin, 6h-9h, on ne rendra plus jamais l'antenne. Ouais. On quittera plus jamais, on a un nouveau studio, on va vivre ici dorénavant. Ouais, le Virgin Tonic, c'est 6h du mat, 6h du mat. Et on repart pour une autre journée, on ne veut plus jamais vous laisser. On vous offre des iPhones ce matin, on fera un petit récap dans 2 secondes avec tous les gens qui peuvent gagner rapidement. Vous habitez Christian, vous vivez à Niort. Vous habitez Niort, vous appelez Christian. Oui, c'est vrai. Vous appelez Julien, vous bossez à la Brioche Dorée, vous êtes Roux, vous Doré. Appelez Guy. Guy Roux. Voilà. Vous êtes Guy, vous aimez vous moquer, Guy Moquet. Vous appelez Didier, vous êtes dans un champ. Vous appelez Pascal et vous êtes le grand frère de votre fratrie. Pascal le grand frère. Vous appelez Pascal et vous êtes au bistrot. Pascal au bistrot. Ça marche aussi. Je rajoute un. Oui. Ouais. Si votre nom de famille c'est La Paire et que vous êtes des jumeaux, pour qu'on puisse enfin dire La Paire, il y en a deux. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, les amis. On rajoute pour l'iPhone et puis surtout, je vous l'ai dit, c'est n'importe quoi ce matin. Donc on a rajouté, vu qu'on sera encore là à l'antenne à 9h20, on a rajouté un loyer. Il n'est pas trop tard. Loyer au 7-12-13 par SMS, n'hésitez pas. Un SMS suffit pour être tiré au sort. C'est peut-être vous le gagnant. Vous allez avoir un mois de loyer remboursé, un mois de mensualité de crédit remboursé en vous inscrivant par SMS. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et le pop rock électro de Zara Larsson qui arrive dans un instant. Excellent réveil à tous. Moteur, action! Orage, oh, désespoir! Oh, désolé, je dois filer, c'est l'alerte discount. Aujourd'hui, le raisin blanc est à 89 centimes le kilo chez Netto. 89 centimes le kilo! Coupé, c'était parfait! Netto, le discounter qui fait la différence. Origine Italie, variété Italia, catégorie 1. Le magique anniversaire de but continue. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En ce moment, moins 40 euros sur la machine à café à dosette Senseo. 49,99€ au lieu de 89,99€. Bon, on me dit ça, j'y cours. But, c'est nous. C'est quoi ça? Un petit café? Bouilli. Désolée. Ah oui, je vois. Tu sais quoi? On va aller chez But. Leclerc. Belle maman, regardez-moi ça. Un des incroyables de la foire au vin Leclerc. Un Beaujolais rouge, AOP, Morgon, Arnaud au cœur, Côte du Pie, vieille vigne 2015. Et médaille d'or au concours des grands vins du Beaujolais 2016. À 6,95€ la bouteille. Quoi? C'est parce que Leclerc sélectionne pour vous les meilleurs vins au meilleur prix qu'à partir du 27 septembre, la bouteille AOP Morgon Arnaud au cœur Côte du Pie, vieille vigne 2015 de 75 centilitres est à 6,95€. Vin modalité dans les magasins participants pour votre santé. Attention à l'abus d'alcool. La vraie belle foire au vin, c'est chez Leclerc, le créateur de la foire au vin. Ça veut dire quoi, miam, pour Darty? Miam, c'est quand on peut dire à ses amis qu'on a tout fait nous-mêmes, qu'on a passé toute la journée en cuisine, alors qu'en fait, cuisinier ou non, on est juste très très bien équipé. Du 28 septembre au 13 novembre, l'opération Miam est chez Darty. Par exemple, la centrifugeuse Moulinex Frutelia Pro est à 69€ au lieu de 89, soit 20€ d'économie. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché! Et oui, c'est parti pour 4 semaines! Le filet de bœuf à rôtir Jean Rosé Origine France est à 18,90€ le kilo. Oui, 18,90€ le kilo et Origine France. Mais c'est seulement jusqu'à demain. Dépêchez-vous! C'est ça l'anniversaire Intermarché! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine filet 3 étoiles à rôtir. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Nouveauté. Virgin Radio. Ici nos âmes du toit au ciel et nos hymnes éternels. Here we are, l'aube de nos dernières trans. Laisse un vide immense. Here we are, je t'emmène une dernière fois suivre cette lumière qui ne s'éteint pas. Here we are, something is in fire. Thought we never lost control. Here we are. Silence. Et si les vagues étaient nos âmes, dans l'étourdissant vacarme. Here we are, dans ce limite d'usage, dans ce si beau mirage. Here we are, je t'emmène une dernière fois suivre cette lumière qui ne s'éteint pas. Here we are, something is in fire. We thought we never lost control. Here we are, something rises and tries. We thought we never lost control. Here we are, something rises and falls. Tout de suite, tout de suite, quelqu'un paye votre loyer sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous, les amis. Oui, le Virgin Tonic qui prolonge ce matin, 9h23. On est toujours là en direct avec vous. On pense à vous tous. Je sais qu'il y a du mauvais temps sur une grande partie de la France. Ouais. T'es peut-être un peu pris dans les bouchons, pas encore arrivé au travail. Puis peut-être sur la route toute la journée aussi. Ouais. Les commerciaux, les routiers. Eh ben, on est là avec vous. Et puisqu'on prolonge ce matin, puisqu'on a, je le rappelle, 4 iPhones à offrir. On s'est dit, mais pourquoi pas rajouter un loyer à 9h20. Perfect. Et alors, l'an passé, on le faisait. Oui. Bah ouais. Et là, on prolonge. On n'avait pas à dire à 9h20, ça va tout le monde. Non, 9h20, on vous offre le loyer. Mais si on reste jusqu'à 10h20, on vous offrira un loyer à 10h20. Ouais. Et si on reste jusqu'à 11h20, on offrira un loyer à 11h20. Bien sûr. Et si on va à 28 000 ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ouais. Pauline au standard. Et c'est qu'on a nos petites habitudes. Nous, à 20, s'il n'y a pas de loyer, on est complètement déstabilisés. Faut que j'explique à vos gens qui nous rejoignent. Ouais. Pauline a un gage, elle doit faire toute l'émission avec une brosse à dents dans la bouche. Elle galère. Totalement. Ça salive beaucoup. Ouais. Ça salive beaucoup. Les amis, attention, on y va. Donc c'est du coup notre quatrième loyer. Ouais. Alors à 6h20, on a eu Laetitia, 1249€. 7h20, Emily. 8h20, Steve. On a déjà offert ce matin pour 3419€ de loyer. Et wow. Du coup, ça continue. Grâce au patron de Virgin Radio qui est avec nous ce matin. On inaugure notre nouveau studio qui est gentil comme tout, qui nous a dit allez-y, c'est normal. Ça lui fait plaisir aussi, hein. Franchement. Hein. Celui qui fait le chèque. On a eu besoin de le ligoter quand même, il faut préciser. Il a fait, allez-y, mets de la tête. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là?